Bonsoir, ce soir sur Vivre et créer à la montagne, une double émission consacrée d'une part à la rediffusion du grand entretien de Marie-Pascale Godet avec Claude Vautrin, notre écrivain que nous connaissons bien à RGM d'ailleurs, par ailleurs dans d'autres émissions, et qui, originaire du Thiot d'ailleurs, hein, et Claude Vautrin, qui fait l'objet, par Marie-Pascale Godet, de 3 articles successifs dans l'Écho des Vosges, des grands articles, un maître à penser, donc Claude Vautrin, 3 articles qui sont publiés depuis la semaine dernière, hier et la semaine prochaine. Donc c'est à cette occasion que nous rediffusons cet entretien qui a déjà été rediffusé sur RGM, et qui a retenu beaucoup d'attention des auditeurs. Voilà. La deuxième partie sera historique et différente. Elle concerne la guerre de 14. En effet, j'avais pensé ce soir diffuser une partie des Sélénites, ces manifestations heureuses qui se déroulent chaque pleine lune, par Cunégonde, voilà, à Gennecourt-sur-Fumier, lieu donc quelque part là, dans la plaine des Vosges, et il y avait celle d'Équinoxe, avec un atelier d'écriture, il y a eu celle d'hier, puisque c'était hier le 20, avant-hier, la pleine lune, et donc, tout ceci sera relaté dans la prochaine édition dans 15 jours. Puisque là, on a une actualité, si je peux dire, enfin un retour d'actualité, qui est la guerre de 14. Alors ce retour d'actualité fera l'objet de la deuxième partie, avec la mémoire des anciens de Fraisse sur Moselle et des environs, Saint-Maurice, Busson aussi, qui a été enregistré en 2016, et qui fera l'objet le 29, c'est-à-dire vendredi prochain, le 29 d'une séance, d'une veillée poétique et musicale, enfin plus historique que poétique d'ailleurs par certains côtés, une veillée qui racontera des anecdotes inconnues de la guerre de 14. On l'avait déjà diffusé bien sûr à l'époque, et en 2016, et on y revient là, et non sans émotion, puisqu'on entendra des voix de personnes disparues depuis. Alors ça donnera lieu à une veillée, donc, disais-je, avec des lecteurs, les lecteurs de l'association Recrée, des musiciens, Jean-Claude Lusson, et Hélène Schneider et Georges Schneider, et ensuite une continuation des débats, des évocations avec les témoins qui pourront être présents et qui seront sollicités pour réactiver leur mémoire, relater des éléments qui se perdraient sinon, puisque tout ceci, c'est la mémoire qui disparaît peu à peu et qu'il faut préserver. Voilà, donc une émission qui sera plus longue que d'habitude, puisqu'on aura deux parties longue, si je me rappelle bien, Claude Vautrin, 1h30, et le Croix-Rouge de mémoire, 1h45. Donc, on dépassera peut-être un petit peu les minuit, si les possibilités nous en sont données. Je pense que cela sera. Donc, bonne écoute, et déjà, Claude Vautrin, dialogue avec Marie-Pascale Godet. Passionnant entretien avec un auteur qui fait définitivement son entrée en littérature avec 7 voyages initiatiques aux éditions Kairos. Kairos, le dieu du temps opportun, qui sans le savoir publiait à l'aube du premier confinement ce livre à lire absolument, selon Marcel Gay. 7 voyages initiatiques est un recueil de nouvelles en forme d'essai, rédigé sur le fil de l'invisible, en coïncidence avec les bouts du monde contemporain. d'une écriture dense et très nourrie, sous-tendue par la question de la transmission, l'ouvrage convie la fiction, les mythes et la réalité en sept lieux formés sur la map monde par un Ouroboros. Un auteur vosgien à qui les éditions Magellan et compagnie ont eu l'excellente idée de confier les Vosges à sa plus méprise de la nature et du lien que les hommes entretiennent avec elle. Une plume aguerrie par une quarantaine d'années de grands reportages aux confins du monde, dans des zones de guerre ou des territoires peu connus, voire jamais pénétrés, mais aussi largement consacrés à ces Vosges presque natales. Pour l'amour des Vosges, c'est l'éloge géographique d'une contrée rêvée, de ses montagnes à sa vaste plaine où sont débusqués maints trésors. Le nouvelliste essayiste s'inspire fortement de Luis Sepúlveda, le grand écrivain chilien, 30 années d'exil, disparu en pleine pandémie l'an dernier. Claude Vautrin cultive ses racines autant que ses lointaines destinations dans sa recherche de transversaux qui fondent l'humanité. Il vient tout juste de publier « Berchigrange, duo sous canopée, confidence d'un jardin », disponible en version française et anglaise pour enluminer de sa veine littéraire ce lieu magique du massif des Vosges. Avec les photographies de Laurie Ego, on y retrouve sous forme de délicieux entretiens la communion rare qui lie Monique et Thierry Dronet à leur jardin et aux êtres vivants qui l'animent tout au long d'un automne et d'un hiver confinés. Désormais conférencier, pour donner un prolongement à ses livres-reportages ouverts sur le monde en mutation avec ses grands questionnements, l'auteur publie également Baltique chez Magellan. Ce sont des récits sur les trois sœurs baltes que forment les terres de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, dans un essai qui restitue les pièces d'un puzzle, mettant à jour les parts d'ombre où tant de drames se sont joués dans l'histoire mouvementée de ces pays peu connus, dont les forêts laissent percer de lumineuses et surprenantes invites. Un cinquième ouvrage du confinement n'attend plus guère que son éditeur, peut-être une auto-édition sous forme de livre audio, avec des illustrations sonores pour les nouvelles, des nouvelles cette fois directement inspirées par cette cinquième saison. C'est la fin de tous les toxins, le dernier né de Claude Vautrin, qui s'ajoute à plus d'une vingtaine d'essais, nouvelles et romans, comme Corée du Nord, l'autre dimension, en 2019, Vosges sauvages chez Glénat, Vosges l'excellence aux éditions du Cygne, On ne naît pas franc-maçon, on le devient chez Kairos en 2018, Mapuche est fier de l'être en 2016, après longue immersion parmi cette peuplade amérindienne, Grand reporter, le pas de côté chez Kairos en 2015, où il débusque les trous noirs de l'information et propose une nouvelle forme de journalisme. C'est en 2004 qu'avec un certain regard visionnaire, il écrivait le roman Aquavosges, enquête sur une pénurie, et 10 ans plus tôt, son premier roman coécrit avec Dominique Michel, Liqueur noire, la paix yougoslave, aux éditions Gérard Louis, réédité en version numérique. Cet homme tout de courtoisie, de discrétion, semble presque s'excuser d'un parcours qui flirte avec l'excellence, d'une connaissance accumulée lors d'une carrière initiée à 17 ans par un prix national Zelidja pour un reportage à Berlin en 69, soit 20 ans avant la chute du mur. Tout jeune, à 22 ans, il empoche son diplôme de sciences politiques assorti de 2 autres diplômes et en 1985, il reçoit aussi le prix littéraire de la presse de l'Est pour son enquête sur les pluies acides au Québec, jusqu'à être nommé messager par le peuple Mapuche du Chili. Chili qui écrit en ce moment même sa nouvelle constitution avec cette fois-ci des représentants des peuples indigènes suite à une élection qui remet en question cette fois le modèle économique néolibéral hérité de la dictature de Pinochet. Alors, j'ai le grand plaisir de vous partager cet entretien avec Claude Vautrin qui a eu lieu le 19 mai 2021, peu après sa participation au Salon des Sélénites. Je lui ai proposé d'illustrer notre échange par des musiques de son choix. Tout de suite, le groupe ethnofolk estonien Zetod qui chante Kuldo Nurik. Il s'agit du jeune homme d'or, dont l'auteur nous parle dans Baltique. Et pour conclure, à la fin de cet entretien, on va partir avec les chevaux fous des violons du monde. Nous entendrons les envolées lyriques d'un nickel harpa dans The Road to East, extrait de l'album Crazy Horse de Duplessis and the Violence of the World. Bonne écoute. Seleta muuni ära kuldne noori, seleta muuni ära helle helle ro. Mis ma üse unõ näie kuldne noori, mis ma üse unõ näie helle helle ro. Kus lapu olgua takka kuldne noori, kus lapu olgua takka helle helle ro. Mis lapu olvi vere kuldne noori, mis lapu olvi vere helle helle ro. Sarapu ol sanna takka kuldne noori, sarapu ol sanna takka helle helle ro. Tamme puol tare takka kuldne noori, tamme puol tare takka helle helle ro. Kuslapusta tule kosja kuldne noori, kuslapusta tule kosja helle helle ro. Vislapusta verys viina kuldne noori, vislapusta verys viina helle helle ro. Sarapusta saava saaja kuldne noori, sarapusta saava saaja helle helle ro. Tamme puu pantano pähe kuldne noori, tamme puu pantano pähe helle helle ro. Armasti jo kallisti jo kuldne noori, armasti jo kallisti jo helle helle ro. Saie tütär tallo pitte kuldne noori, saie tütär tallo pitte helle helle ro. Saie maali maja pitte kuldne noori, saie maali maja pitte helle helle ro. Päivä illos päälle kaija kuldne noori, päivä illos päälle kaija helle helle ro. Yse hyö on hõlma võtta kuldne noori, yse hyö on hõlma võtta helle helle ro. Thank you. Les sons. Oui. Ouais, Claude, tu pensais partir sur... te donner un mot et que tu partes là-dessus et que tu me fasses un petit... Est-ce qu'on peut essayer comme ça? Ouais, si je te dis aéroport. Aéroport. Alors, c'est intéressant. Pour moi, l'aéroport, c'est le terminal. Ça veut dire que c'est paradoxal, mais tout commence à l'aéroport. Et le terminal, c'est aussi le lieu où on revient. On revient sur ses terres, ses racines, etc. Donc pour moi, c'est un mot qui est essentiel parce que c'est jamais fini, quoi, en fait. On part, on revient. Et le mot terminal, il faut aller au-delà de la seule étymologie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi, un lieu de mouvement, c'est un lieu d'ouverture à l'autre. Et donc, si on va un peu plus loin, c'est un lieu où on peut se retrouver et se découvrir à travers l'autre, puisqu'on va vers l'autre. Donc c'est ça, l'aéroport, c'est ça. Alors j'adore descendre d'un aéroport, prendre une voiture et partir sur les routes, quoi. Puis voilà, aller à la rencontre. Sans forcément une destination, tu l'as déjà... Si, enfin, ça peut être sur un projet, comme les Mapuche, par exemple, où j'allais rejoindre une communauté, je venais de faire 20 heures d'avion plus 2 heures entre Santiago et Temuco, et là, je prends la voiture, je refais 2 heures de route un peu asphaltée, après une heure de route de piste, et j'arrive. Et là, le voyage commence seulement après 20-25 heures, c'est que le Mapuche m'attend, et moi je vais chercher mon sac dans la voiture. Tu poses ton sac, tu oublies ton sac, viens avec moi. Et on a marché une heure et demie dans la forêt, face à la montagne, les mains ouvertes vers le ciel. Et voilà, donc j'étais déjà dedans. J'avais fait le transport, hein. Le transport, c'est... C'est un mot aussi, c'est un mot-clé, ça. Quand même. Ouais. On y va, transport. Transport, ouais. Transport, c'est véhiculer aussi des produits, des gens, mais c'est véhiculer des expériences, des émotions. C'est quand on se transporte, on change aussi d'état, quoi. Et c'est ça la vie, en fait, c'est pas être dans le même état de façon permanente, c'est voilà, j'en reviens encore à la découverte de soi à travers l'autre. Donc le transport, ouais, c'est ça, c'est aussi des émotions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le transport? Plein. Justement, dans une des nouvelles que je viens de terminer là, c'est l'histoire d'une transportrice, je sais pas comment dire, d'une camionneuse. Une camionneuse, ah oui, grecque, d'accord. Qui se retrouve au moment du confinement sur un parking avec d'autres camionneurs. Et donc là, c'est parti, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi dans la logique de cette série de nouvelles, c'est partir sur l'imaginaire. C'est-à-dire, des gens de différents pays qui se rencontrent sur un parking, et ils sont pas forcément voués à, ça y est, je suis ça, ils sont pas forcément voués à se morfondre, même si la vie s'est un peu arrêtée pour eux. Bah, elle commence d'une façon différente. Donc, il y a des instruments de musique qui sortent, des cabines, etc. Voilà, le transport, c'est ça aussi. C'est étonnant parce que j'en ai fait un sujet de nouvelles, quoi. Vie de famille. Vie de famille. T'as droit à un joker. Hein. Ouais. C'est dans mes questions. Vie de famille, c'est important. Ouais, super. Ouais. J'ai deux grandes filles. Un garçon plus jeune, mais qui vient d'être majeur. J'ai deux petits-enfants et je suis attentif à tout ça, et c'est aussi un lieu de, voilà, une sorte de refuge aussi, même si c'est en mouvement tout le temps. évidemment. Non, ça, voilà, famille, c'est ça, c'est. Ils sont c'est habitués à te voir partir avec ton petit carnet. Ouais, revenir. Enfin, je pars un peu moins maintenant, mais pour mes filles, ça a été, oui, ça a été. Surtout, c'était des reportages parfois de guerre, donc c'était pas toujours facile, j'imagine, pour elles, quoi. Mais bon, on en parlait, voilà. Oui. Donc, je pense que ça s'est pas trop mal passé, quoi. Initiation. J'en dirai pas plus. D'accord. Initiation. Alors, initiation, ça, c'est une question, on peut en parler des heures. Initiare, commencer quelque part, mais c'est surtout renaître, quoi. L'initiation, c'est la. Pour moi, c'est des mouvements ou des moments où on est en capacité de. Bah de suivre son parcours, mais en par la découverte, donc de remettre un peu en cause, de se remettre en cause, d'apprendre, initiation, c'est ça, mais d'apprendre à travers l'autre et à travers le monde, c'est pas recevoir une, c'est surtout pas recevoir une leçon ou une vérité, puisqu'on est toujours en quête de vérité. Et le jour où je l'aurai trouvé, ben, je pense que ce sera fini. Mais c'est improbable. Et donc, voilà, l'initiation, c'est ça. C'est renaître, quoi. C'est se remettre en mouvement, se remettre en cause. Et du coup, participer aussi à la vie de la planète, à ses émotions, à ses cultures, à l'invisible aussi. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire, quand je rencontre quelqu'un, je dis toujours, j'ai cette image-là, je la vois en 3D, mais ce qui m'intéresse, c'est la quatrième dimension. C'est ce que j'ai, hein, ça, c'est un message qui m'est cher. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, enfin, ce qui fait qu'on devient ce qu'on est. Et peut-être comme ça, on comprend mieux la piste à suivre. C'est peut-être ça aussi. Et voilà, l'initiation, c'est tout ça, quoi. C'est une renaissance permanente, quoi. Alors, tout n'est pas initiation, heureusement, hein. Sinon, on deviendrait, je sais pas, ça serait compliqué. Parce qu'il faut se poser aussi. Moi, c'est un mot peut-être que je vais imposer, je peux. Bien sûr, c'est bien vu. Moi, j'aime bien aussi la lenteur, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait des grands reportages où il fallait souvent aller vite. Je comprends pas trop d'ailleurs la capacité de certains collègues qui sont prêts à aller 8 jours sur un tsunami, qui repartent 15 jours après sur une autre affaire. Enfin, le journaliste, le grand reporter, il doit se documenter, donc il doit prendre le temps déjà de la documentation. C'est comme une enquête, quoi, c'est-à-dire on va pas sur place comme ça pour analyser le fait brut. Et je reviens encore à la 3D, la 4D, c'est-à-dire le fait brut, il est là. On a par exemple un peuple qui se révolte. Je prends à tout hasard les gilets jaunes, par exemple. Si on va pas chercher dans l'histoire, dans leur histoire, dans l'histoire sociale, etc., des éléments de compréhension, comment faire passer le message sinon à travers un fait brut qui n'a pas de sens. Le fait, il est là parce qu'il s'inscrit dans une histoire, il est là aussi en 4 dimensions, quoi. Et le journaliste, il doit s'attacher à travailler sur cette 4e dimension qui peut être invisible. C'est le sens de cette voyage initiatique, un ouvrage que j'ai sorti d'ailleurs pendant le confinement, par hasard, hein, c'est pas fait exprès. C'est ça, c'est aller comprendre qui sont les gens que je rencontre, les peuples que je rencontre, mais à travers toute leur globalité, c'est-à-dire leur vie actuelle, mais aussi ce qui les anime à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire les légendes, les mythes, voire les dieux, voilà, les esprits. Les... Voilà, j'ai envie de faire une parenthèse parce que je viens de lire. Et donc c'est vraiment, vraiment, alors c'est moi, c'est magnifique. Hein, je t'ai dit, je suis convaincue. Déjà, que, bien sûr, le titre n'est pas menteur quand on nous dit cette voyage initiatique. Effectivement, tu convies les mythes, les histoires, voilà. Ce qui m'est apparu aussi, c'est la suprématie de la nature. Elle est conviée, elle est là davantage peut-être encore que les... Elle est personnifiée. Il y a une grande sensualité dans la nature, voilà, qui dépasse vraiment le pas des personnages, hein, qui restent quand même posés là avec... voilà, c'est davantage la nature qui parle, hein, donc je retrouve là, on a envie de parler d'animisme, imprégné de... Ça, c'est, je pense, c'est quelque chose où j'ai été initié, quoi. Voilà. Je suis d'origine, comme beaucoup, religion catholique, etc., enfin, monothéisme. Oui. Voilà. J'ai baigné dedans, j'ai été scout de France, enfant de cœur, etc., mais tout ça, c'est formateur d'ailleurs, hein, à partir du moment où on n'en fait pas un dogme, c'est sûr. Et les rencontres ont fait que je ne peux plus associer l'être humain dans sa seule humanité, parce que c'est un regard tellement égocentrique sur soi qui fait qu'on en arrive à des perpétuelles guerres, conflits, etc. Et je replace toujours cet être humain parmi les autres êtres vivants, dans lequel je classe les végétaux, les animaux, les minéraux, parce que même les pierres ont une vie. Enfin, on regarde notre beau massif des Vosges, il y a eu des montagnes de 10 000 mètres d'altitude dans ce massif. On l'oublie, ça, c'était l'Himalaya ici. Puis il y a eu des brisures, il y en a toujours. Il y a encore des petits tremblements de terre de temps en temps. Donc tout ça, ça vit. Et puis l'autre élément vivant, c'est justement l'imaginaire qui est en nous. Et ce qu'il faut faire sortir de nous aussi. C'est-à-dire permettre à tout un chacun, aux enfants, aux adultes, je pense que ça serait une société un peu idéale, quoi, d'aller chercher en soi ce qui fait leur différence, quoi. Parce que le monde ne vit que par les différences et les rencontres des différences. Et on le voit dans la nature. Hein. Il y a des associations entre des fleurs, des insectes. Tout ça, ça vit en symbiose. Enfin, ce que font les abeilles, ce que font... Donc ça, c'est vraiment une constante. Et je crois qu'on le retrouve maintenant dans tous mes écrits, quoi, ce rapport à la nature fort. Source. Source. Alors, source, c'est... comme ça, très, très naturellement, je pense à l'eau, à la source d'eau, mais qui est un élément essentiel, quoi, c'est-à-dire de vie. Alors, après, source, c'est ce qui m'inspire aussi, une source. Donc, tout peut m'inspirer. Enfin, ça peut être une rencontre, ça peut être un événement naturel, ça peut être un fait d'actualité, ça peut... Tout ça, c'est des sources, et c'est pour ça que le journaliste doit protéger ces sources, parce que c'est quelque chose de très intime. Je me suis toujours un peu inquiété du mot « Pravda », la vérité, hein, c'était le nom du journal soviétique en Russie. Hein. Comment on peut appeler un journal la vérité? Après, je ne critique pas, hein, ce qui s'est fait. Enfin, il y a eu des... Je ne vais pas entrer dans cette histoire-là. Mais la vérité, elle n'existe pas. Et on peut se mettre à 4 ou 5 sur un événement, une manifestation, par exemple à Épinal. Voilà. Heureusement, on va écrire des choses différemment et on va angler différemment. Mmh, mmh. Chaque personne a un élément, ouais, heureusement, qui va refléter, qui peut être le tout, qui pourrait nous... que ce tout-là, on n'y a pas accès, parce que c'est une autre dimension peut-être. Ouais, oui, et puis notre... Total, quand on dit, ouais, mais les journalistes ne sont pas objectifs. Mais heureusement qu'ils ne sont pas objectifs. Moi, je me bats contre l'objectivité, la pseudo-objectivité du journaliste, parce que forcément... il y a la subjectivité de son vécu, le filtre de son éducation, de ses rencontres, de ses parcours dans le monde, etc. Donc, petit à petit, il voit les choses différemment et il va choisir un angle. Il va faire le pas de côté, justement, qui va faire qu'il voit les choses différemment de l'autre, et heureusement. Donc, c'est pour ça qu'il faut une pluralité de la presse. Et c'est pour ça que je suis inquiet, parce qu'aujourd'hui, tout se concentre et il y a de moins en moins d'informations qui circulent. Et ça m'étonne quand même. Quand il y avait une concurrence réelle sur les Vosges, il y avait un scoop chaque semaine dans un des titres. Il ne faut pas me dire aujourd'hui qu'il ne se passe plus rien. Alors on, que on a l'impression de vivre dans un canon plat permanent. Voilà, alors je ne critique personne, parce que les pauvres journalistes maintenant qui doivent rendre leur copie choix, à 18h, qui n'ont plus le temps, ou à qui on donne 5 sujets par jour, comment traiter un sujet. Ouais. Voilà, donc, moi j'ai eu la chance de vivre une époque où il y avait cette notion de concurrence, où on prenait un peu le temps quand même, on avait de l'espace pour écrire. Combien de temps on avait pour faire un article ? Est-ce qu'il y a... Ça dépend, si c'était une enquête, on pouvait avoir 3-4 jours, enfin voilà. Après, il y avait des moments où il fallait aller au charbon plus rapidement. Mais moi, je partais de 3-4 mois à l'étranger, par an, pour un journal dit petit. Pour moi, il n'y a pas de petits médias. Je suis étonnée. Il n'y a pas de petits ni grands médias, c'est faux, ça. Il y a des médias, et puis... Alors, avec des possibilités ou non de s'exprimer, tout dépend du contexte, etc. Des patrons, il y a de moins en moins de patrons de presse qui sont journalistes. Avant, c'était une bénédiction. Maintenant, c'est des financiers, des banquiers. Donc, forcément, le regard est différent. Et... Belle perspective pour toi, l'avènement de journaux comme reporter, financés par les citoyens. Oui, oui. Et puis, moi, je reste optimiste, parce qu'il y a aussi... On critique beaucoup les réseaux sociaux. Après, c'est comme tout, il faut avoir un regard critique. En fait, ce qui fait aussi la qualité de la presse, c'est la qualité du lectorat, de l'auditorat, des gens qui regardent la télévision, et leur capacité d'avoir l'esprit critique. Alors, c'est ça qu'on est en train de tuer. Les journalistes ne sont pas seulement responsables, c'est une évolution sociétale qui fait que aujourd'hui, on tue un peu cet esprit critique en amusant les gens, les divertissant avec des émissions qui n'ont ni queue ni tête. Alors, où les politiques rencontrent les clowns et les... J'ai rien contre les clowns, encore moins que les hommes politiques. Mais où on met un homme politique avec un chanteur, avec un sportif de haut niveau, ok. Ouais. Mais, et puis des experts, quoi. Des experts qui savent tout. Oui, partout. Oui, et puis c'est toujours les mêmes experts, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont un regard un peu différent, ils sont pas souvent invités. Donc tout ça fait que moi j'appelle les experts, pour moi c'est le nouveau clergé, quoi. Ce sont les nouveaux clercs, hein, c'est-à-dire les sachants. Moi je sais rien, j'apprends tout le temps, quoi. Enfin, c'est ça l'idée. Et le rôle du journaliste, c'est d'amener des éléments d'information. Et à chacun de se faire son opinion. C'est pas le journaliste qui doit détenir la vérité et dire la vérité. Après, il y a des moyens de persuasion. C'est vrai que la littérature ou un texte qui est bien écrit aura peut-être aussi une influence. Oui, après, mais c'est toujours dans le rapport de liberté absolue de chacun, quoi. Prendre ou de pas prendre, ou de. Pas formaté, quoi. On est effectivement l'époque qui change, hein. On a vu des changements sensibles, tangibles. Moi, je voudrais te demander, c'est peut-être un peu loufoque comme question, mais est-ce que tu penses qu'on vit en ce moment dans une... Est-ce qu'on est victime d'une guerre cybernétique ? C'est-à-dire bombardé par des fake news qui seraient envoyées par... Non, moi je suis pas. Tu ne penses pas ? Mais moi, non, parce qu'après on est vite accusé de complotisme. Ah bah oui, etc. Mais bon, c'est encore. Moi je ne suis pas dans, dans cette logique-là, sauf que moi, je pense qu'on est quand même dans une période de mutation quoi, profonde. Oui, je suis atterrée de voir le nombre de fausses nouvelles. Mmh. Je te prends un exemple tout simple, une amie sur Facebook, Facebook incontournable, hein, se marie. Donc j'apprends qu'elle se marie lundi. Et on est 40 à réagir, à lui envoyer des trucs, oh là là, les cachotiers, tout, formidable, alors des vœux et tout. Et puis, à la fin de la journée, mais non, c'est juste pour arrêter de recevoir, elle était bombardée de messages, parce qu'on recrute aussi sur Facebook, ça devient un peu le réseau. Et donc, elle a décidé de mettre qu'elle se mariait. On a tous plongé, mais parmi les gens qui ont plongé, on est trois à écrire des articles. J'ai pas de carte de presse, mais ça m'arrive d'écrire. Donc, trois plus ou moins journalistes à avoir plongé. Je pense que ça a dû m'arriver aussi de s'en faire attention, mais j'essaye d'être assez prudent déjà dans le choix des amis. Non. Mais tu penses pas que y a des forces, que c'est devenu une guerre, un moyen de fragiliser les démocraties, de semer une zizanie où finalement les citoyens ils n'existent plus en tant que citoyens et se retournent les uns. Je crois qu'il y a une période de mutation, et dans toutes les périodes de mutation, il faut apprendre à maîtriser l'outil, quoi. Ce ne sont que des outils, hein, technologiques. Oui. Moi, je pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée. Non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est encore éveiller plus l'esprit critique, quoi. Enfin, je parle pas d'arrière-pensée, hein. Je parle d'action, hein, derrière. Oui. Par exemple, franchement, ce qui s'est passé avec le directeur de Facebook qui a vendu les informations à la Russie, elle en a pas la preuve, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'arguments. Pour avoir une incidence sur les élections ou se retrouver avec un clown. Non, mais ce qui est sûr, mais ça a toujours été, enfin, en tout cas depuis que les masses médias se sont développées, donc depuis la fin du 19e, et ça s'est renforcé avec la télévision et maintenant avec les réseaux sociaux, c'est effectivement que l'information est une arme, évidemment, mais ça a toujours existé, ça c'est pas nouveau. Quoi. Donc t'es un guerrier alors? Non, parce que moi je suis pas un professionnel au service d'une cause. Je suis journaliste, donc freelance en plus. Ouais, mais même quand je travaillais dans des titres ou à la télé, j'avais ma façon d'en faire parler. C'est effectivement l'information, c'est une arme. Hein, ça a toujours été utilisé pendant les guerres. Et donc, quelque part, on est dans une période un peu guerrière aussi aujourd'hui. Alors, elle change de forme, mais elle garde cette violence énorme qui perturbe les sociétés, les générations, qui tue, qui... Voilà. C'est une guerre économique, c'est une guerre... même notre président parle de guerre quand il s'agit d'un virus... Là, tout est un peu tout va dans ce sens, et je pense, je reviens à cette idée de, je pense qu'on est à la fin d'un système d'organisation sociétale, voire politique, et qu'on est vraiment dans une période de rupture de valeurs, etc. Et donc, ce qu'il faut travailler, c'est au-delà de la pure politique, c'est retravailler les valeurs essentielles qui font l'humanité. Enfin, et c'est là où je rejoins un peu les peuples originels, qui sont un peu les gardiens du temple. C'est-à-dire, c'est se préoccuper de l'environnement, de la nature, c'est considérer qu'on n'est pas le centre du monde. Et une fois qu'on aura remis ça, je pense qu'il y a des mouvements qui le font, et les jeunes commencent à être plus... Hein, on a eu une période où les 2-3 générations étaient plutôt ouvertes sur les loisirs, l'égocentrisme, etc. Ouais. On sent qu'il y a une reprise en main de tout ça, une prise de conscience, ce qui ne veut pas dire que les anciens n'ont rien fait. Moi, je je suis pour l'intergénérationnel. Quand j'entends des jeunes dire, ouais, vous nous laissez une planète pourrie, c'est vrai. Mais c'est pas nous, c'est le système d'organisation économique, politique, sociétal qui a fait que c'est comme ça. Et si on n'y prête pas garde, on voit ce qui se passe dans l'Arctique avec, il y a une réunion aujourd'hui en Islande entre les pays européens et la Russie. On voit bien tous les enjeux économiques et voire militaires stratégiques qu'il y a dans cette occupation de l'Arctique qui est en train de fondre, quoi. Donc là, jeune ou pas jeune, ou vieux ou pas vieux, il faut y aller et puis remettre en avant des valeurs, peut-être même des principes, quoi. Et voilà, et le journaliste, il peut éclairer là-dessus. Ouais. Pauvreté. Pauvreté. Alors, ça dépend de... pauvreté, alors c'est la misère sociale, c'est sûr. Et on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas sur la planète quand on voit que la part du gâteau est accaparée par une minorité de personnes et dont on voit les excès partout. Enfin, voilà. Et puis, la pauvreté, c'est aussi la pauvreté de... Alors là, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est notre incapacité justement à tirer les richesses de tout le monde. Spirituel, intellectuel, à mettre en lien toutes ces richesses. Et donc la pauvreté, elle est aussi là, dans cette façon de d'annihiler l'esprit, quoi, de tuer l'esprit critique, de faire en sorte de formater les gens, même de transformer les paysages. Je veux dire, c'est assez étonnant de voir que en Europe, en Afrique, en Amérique latine, etc., toutes les entrées de ville, ça ressemble maintenant. Quand on parle de village planétaire, il y a encore beaucoup de différences, heureusement, mais le monde urbain, il est avec toutes les dérives que ça génère, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est aussi amoindrir, c'est formater, c'est marchandiser, et tout n'est pas que l'argent, quoi, c'est ça en fait. Je suppose que tu as rencontré énormément de gens, y compris des gens qui n'ont pas grand-chose, et que tu as été subjugué par leur générosité. La première chose que j'ai vécue comme ça, ce moment, c'était, j'étais jeune, je devais avoir 19 ans, quoi. Et je suis allé au Liban, c'était en 74, donc j'étais un peu plus vieux, 22. Et c'est la première fois que je suis rentré dans un camp palestinien. Et il y a un foyer qui m'a accueilli, enfin c'était la misère en or. Ils m'ont aspergé de parfum, quoi. Ils avaient petite bouteille de parfum. Et voilà, ils donnaient ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient, ils le donnaient. Et puis ça, j'ai pu le vérifier partout. Il y a aussi des gens qui sont arrivés quelque part, mais qui gardent cette générosité-là, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer Don Helder Camara, par exemple, l'archevêque rouge du Brésil. Il était âgé, 90 ans. Mais il avait fait tellement de bien autour de lui, enfin... Il respirait quelque chose, quoi. Ça, c'est aussi des rencontres fabuleuses et il vivait dans l'humilité la plus absolue, quoi. Ça, c'est un mot-clé pour moi, l'humilité, quoi. J'ai plein d'amis qui me disent « Mais non, il ne faut pas être humble dans un monde comme ça, ça va être faible. » Mais non, au contraire. L'humilité, c'est tout le contraire de la faiblesse. C'est une humilité active, quoi. C'est-à-dire... D'ailleurs, le terme, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'humus, c'est la terre, c'est la même racine, humus, humidité. Humour. J'ai pas pensé à ça. L'humour, l'humus, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il faut de l'humour aussi. Il faut regarder les choses avec... voilà. Donc, humble, oui. Humble, mais actif, quoi. C'est-à-dire, humble, c'est se mettre en capacité d'écoute, de dialoguer comme on le fait, c'est de se livrer un peu. pas trop. Parce que des fois, ça peut être dangereux aussi. Dans des situations, on ne peut pas forcément se livrer. Je ne sais pas si. Parce que ça fait deux fois. Tu restes vraiment le journaliste actif, téléphone et tout. Il est arrivé avec son petit carnet. On ne sait jamais. Des fois que j'ai des notes à prendre. J'ai toujours un carnet. Ouais. Ouais, Pierre Fontaine. Ouais. Alors celui-là, c'est pas un Pierre Fontaine. Non. Ils n'ont pas des consommations d'eau un peu excessives là-bas, Carrefour? Bah oui, mais je suis un peu polémique. Des produits vosgiens. Donc Vosges, Racine. Oui, alors Vosges, oui, c'est... Alors moi, je ne suis pas né dans les Vosges, je suis né à Nancy. C'est le thème de Pour l'amour des Vosges, je crois, c'est ça. Alors, ça, Pour l'amour des Vosges, donc ouais, c'est ça s'est sorti aussi en 2020. Donc, tout ça, ce sont des livres qui n'ont pas eu trop de promotion à cause du confinement, quoi. Donc, ça, c'est un éditeur parisien qui s'appelle Magellan et compagnie. Oui. Et qui a une collection qui s'appelle Pour l'amour d'eux. Et c'est soit des textes d'anciens d'auteurs du passé, mais qui ont écrit sur un lieu, une ville, etc. Ah, d'accord. Et moi, il m'a demandé de écrire sur les Vosges. Voilà. Ah oui, tu as illustré tout le... Enfin, alors, c'est écrit, là. Il n'y a pas d'illustration. Mais j'avais carte blanche, quoi. Carte blanche, c'est le rêve hein, pour un créatif. Ouais, c'est super, quoi. Voilà, je commence par les chamagnons, forestari et ermite. Ah. Pour autant que je chemine, jamais je ne l'atteindrai. À quoi sert l'utopie? Elle sert à cela, cheminer. C'est une réponse faite à Fernando Biri, le héros de Paroles vagabondes d'Eduardo Galeana, l'auteur uruguayen qui est universel, quoi. Donc je commence. Non, mais avec Claude, vous pouvez préparer vos maps mondes, dictionnaires, pour compléter et pour aller chercher. Il y a des petites notes hein, aussi. Et le chamagnon, pour moi, c'est le personnage un peu mythique parce qu'il se met en mouvement. Hein, c'est le vendeur de bibelots, d'images pieuses, mais aussi de produits de première nécessité, ouais, etc. Et il va il fait des kilomètres, des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Il part de Chamagne, dans les Vosges, et il est réputé pour se mettre en mouvement et être en contact avec les gens. Donc il y a lui, et puis il y a les ermites, les forestari, parce que pour moi les Vosges c'est la forêt. Ouais. Donc les forestari c'était des gens qui étaient libres, qui payaient pas l'impôt au duc de Lorraine, parce qu'ils collectaient des chevaux sauvages. Voilà. Ils avaient acheté quelque part leur liberté absolue. Ils vivaient. Il y a même eu des républiques forestières dans les Vosges. Je suis ravie de prendre sur mon département. Donc ça, et puis les ermites, parce que l'ermite, c'est un peu le paradoxe, mais il vit seul, il se retire du monde et il attire les foules. Quoi. Et même parfois, il est dans l'ouest vosgien, il est détrousseur de grands chemins. Ah là là! Alors, ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire, il côtoie le ciel, mais en même temps, il faut bien qu'il vive. Et quand il y a des gens qui s'approchent pour côtoyer le ciel avec lui, il les détrousse un petit peu. D'accord. J'adore ce genre de. Voilà. Alors, je commence comme ça. Après, je fais par exemple, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais il y a un petit chapitre sur le faubourg d'Ambraille à Épinal, qui est, quand on le voit, il n'a ni queue ni tête, c'est un lieu un peu glauque, mais c'est là où je passais toutes mes vacances. C'était un faubourg avec une vie, c'était un peu les corons, quoi. Une vie de gens pauvres, des enfants qui jouaient dans la rue, etc. Et là, c'est un hommage à mon grand-père qui m'a fait découvrir ce coin, quoi. La tour Oui, le château. À l'époque, on allait dans les oubliés du château, on s'amusait là-dedans. Enfin, c'était, voilà. Donc, ça va de là. Après, je pars dans l'ouest. Tu as choisi des lieux géographiques. Oui, c'est l'éloge d'un territoire, cette collection. D'accord. C'est ça, l'idée. Ouais. Donc, j'ai puisé à la fois dans mes souvenirs et puis dans ce que j'aime aujourd'hui, quoi, des coins comme l'abbaye de Bonneval, enfin les restes de l'abbaye de Bonneval près de Saint-Balmont en pleine forêt, avec des ruines, mais c'est magique. On a des motifs orientaux byzantins sur les ruines, quoi. Et c'est perdu en pleine forêt, c'est envahi par la forêt, le lierre et tout. Ouais. Et là, il y a une spiritualité qui se dégage, quoi. Ça peut être la vallée du Chajou à la Bresse, ça peut être. Enfin, voilà. C'est mes Vosges à moi, quoi. Et j'en fais l'éloge. Ah bah, sur tout le département, partage, pas seulement le. Tout le département. Ouais, parce que souvent, on reproche de parler que de la montagne. Ouais. Et là, c'est vraiment un livre qui. Ouais. Concerne toutes les Vosges. Un mot pour résumer ta vie. Ah, elle n'est pas finie. Hein. J'espère. Un mot. Tu peux déjà te retourner. Oui, bah, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Il y a des hauts, des bas, comme toujours, c'est normal. Je me méfie toujours quand c'est trop haut. Parce que l'expérience, hein, l'âge aidant, fait que. On se rend compte que c'est jamais gagné, c'est jamais acquis, tout est toujours en mouvement, remise en cause. Hein. Je tiens beaucoup à ces mots-là. Quoi. C'est comme ça qu'on continue à se construire. Quoi. Donc ça va, c'est-à-dire que c'est en mouvement. Quoi. Moi, je pense que c'est ça, le mot-clé, c'est peut-être celui-là, mouvement. Ouais. Je te fais rebondir, artiste. Ah, artiste. J'aime beaucoup les artistes parce qu'ils ont la capacité justement de faire travailler de faire sortir leur imaginaire et sortir du côté formaté des risques qui sont inhérents à toute organisation sociétale, etc. Miroir, hein, je te renvoie, c'est toi l'artiste dans ton pas de côté. Tout oui, ça, oui, oui. Et la poésie artiste, aussi qui se dégage de tes écrits. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, par exemple, des artistes durant cette période-là de confinement, ils sont mobilisés, etc. Et je trouve qu'on a un peu oublié les écrivains. Parce que, et c'est pour ça que moi j'étais aussi dans les manifestations, j'allais danser, essayer, etc. Pas pour être le représentant d'une espèce de caste comme ça, celle de l'écriture, non. Mais parce que c'est vrai que à la limite, moi, le confinement, j'en ai pas trop souffert parce que je suis souvent confiné. C'est le paradoxe, hein. C'est-à-dire, je parcours le monde, mais quand j'écris, je suis. Voilà. Donc j'ai écrit, quoi. Je me suis un peu adapté à la situation, même si j'ai dû renoncer à beaucoup de projets qui étaient en cours, quoi. Mais donc artiste, c'est ça, c'est cette capacité à faire rêver. Je crois que le rêve, c'est quelque chose de fondamental. Mais tu nous fais rêver, Claude. C'est fondamental parce que si je t'envoie le message. C'est ce qui met en mouvement, c'est ça, c'est le rêve, l'utopie, c'est marcher. Puis à quoi ça sert de rêver? À quoi ça sert l'utopie? Ben, c'est acheminer, quoi. On est encore toujours dans cette logique. Je crois qu'il y a des mots-clés quand même qui ressortent. Mais c'est toujours, quand on est journaliste, de se faire interviewer, c'est toujours. Pour ça que cette méthode avec les mots, c'est bien, c'est une bonne. Ouais, je l'ai eu hier. Hein, je me suis dit comment je vais m'en sortir. Ouais, sinon, c'est compliqué. Dans quel pétrin je me suis encore mise. Mais bon, il y a aussi il y a énormément de sujets qu'on pourrait aborder. Hein. Il y a d'une part la profession journaliste. Une théorie hein, que tu dégages, enfin, comme tu disais, t'es sûrement pas le seul, mais enfin, le pas de côté, je sais pas si vous pouvez appeler ça un journalisme de l'immersion, du subjectif, des choses comme ça. Le slow. J'ai un collègue qui un jour a fait un article sur moi et qui a mis le slow reportage. Ah, oui. J'aime assez, mais voilà. Je me demande, moi, enfin, si c'est enseigné dans les écoles de journalisme, officiellement. Où est-ce qu'on reste? Je ne sais plus trop quoi dire par rapport aux écoles de journalisme, parce que j'ai enseigné un peu, mais à l'université. De Lorraine, oui. Ouais. Bon, après. Je sais pas. Je pense qu'il y a des enseignants qui poussent dans cette logique-là, d'ailleurs. On le disait dans l'entretien, rien n'est perdu. Il y a des bons magazines qui sortent, au contraire. Et, moi, ce que je fais, en fait, c'est... parce qu'il faut bien se dire que quand je pars chez les Mapuches ou que je vais en Corée du Nord, ouais. Je suis quand même un des rares journalistes qui ait pu faire une enquête sur l'environnement en Corée du Nord. J'en reviens pas. J'aurais jamais imaginé même qu'on j'ai mis 3 ans pour Corée du Nord. Mais comment ça, t'as aucun... fait d'ailleurs ? Tu as demandé... il faut rentrer en des réseaux. Ouais. J'ai mis 3 ans avant d'avoir le... Je t'aime quoi. Après, on est sous contrôle, hein. Il n'y a pas de souci, mais il faut respecter. C'est une autre société, une autre culture. Je ne fais pas l'apologie, mais c'est des cultures dynastiques. C'est une autre société. Et pourquoi je disais ça ? Quand je veux proposer un sujet au niveau national sur des sujets comme ça, c'est plus, Il y a encore 20 ans, des journaux comme La Croix, L'Humanité, etc., prenaient des sujets. Je me souviens avoir fait au moment de la guerre du Golfe, où il y avait 900 journalistes qui étaient en Arabie Saoudite dans un hôtel, où l'armée américaine choisissait 3 journalistes qui étaient embarqués, qui repartaient le matin, revenaient le soir et donnaient. Les photos, les films et les informations aux 900 qui étaient restés à l'hôtel. D'accord, ouais. Et moi, je suis parti, les hasards des réseaux, etc. Je suis parti au Yémen, le Yémen qui en subit encore les conséquences aujourd'hui, parce que c'est une situation dramatique, personne n'en parle ou peu. Et au Yémen, en 91, j'apprends qu'il y a 1 million de Yéménites qui se sont fait expulser d'Arabie Saoudite, personne n'en parlait. Et donc, c'était des gens de 4 générations. Hein. Beaucoup étaient bouchés en Arabie Saoudite, il y avait des étudiants, etc. Et c'est un yéménite ami de réseau qui dit, Claude, si tu veux aller au Yémen, tu prends l'avion et tu auras une voiture, un chauffeur, une protection, et tu vas. On était 2 journalistes en l'avion, et 10 personnes. Ah ouais. Et j'ai ramené des sujets, et à l'époque, on pouvait vendre. La Croix, par exemple, m'a pris 2 pages là-dessus, ce qui était énorme. Aujourd'hui, on propose un sujet, rien. Donc maintenant, ce que je fais, j'ai un éditeur qui s'appelle Kairos. Ouais. J'écris des bouquins, des petits bouquins, qui sont en fait des reportages, ouais. des books. Ça devient, c'est une tendance aujourd'hui, mais c'est où on raconte son expérience, son reportage, et on ouvre le débat. Quoi. Moi, je fais des conférences dans la campagne, ouais. Ville, voilà. À Paris, dans la France, dans des festivals. C'était un peu bloqué tous ces derniers temps. Oui, je te conseille de l'aide de l'aborigène. Oui. Pour tes Mapuches, là, ce serait incroyable. Ouais. Bah oui, je suis partant, je suis ouvert à tout. Ouais. Je ne sais pas si ça va ouvrir cette année. Et donc voilà, c'est ma façon de vivre mon métier, c'est d'ouvrir le débat sur des sujets que j'appréhende un petit peu. Quoi. Et c'est très enrichissant. Quoi. C'est hyper enrichissant, quoi, parce que les gens découvrent et s'interrogent sur ce qu'on leur dit, sur le système médiatique aussi. C'est-à-dire, on en revient toujours à ça. Mais ça vient d'eux, quoi. Ouais. Ils disent, mais comment vous savez que il y a une université américaine à Pyongyang, en Corée du Nord, depuis 2012. Il y a une université américaine scientifique. Nous, on est sur des représentations. Et c'est une université scientifique où les seuls enseignants sont des étrangers et où les seuls étudiants sont des Nord-Coréens qui prennent la connaissance. J'imagine qu'ils doivent... Quand on dit ça devant un parterre de 100 personnes, les gens croient à peine. Ben si, ça s'appelle la PUSC, l'université américaine, PUSC, université technique de Pyongyang, d'accord. Sur fond américain, ouais. Et évangélique en plus. En plus, ah oui. Ouais, ça, donc, on imagine le financement derrière. Ouais. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'amener le doute, parce que justement, c'est ça qui fait avancer soit l'humanité, soit une société. C'est quelque part douter, c'est ce que font les scientifiques. Ils doutent, ils cherchent. Douter, c'est chercher. Donc ça, c'est un mot-clé aussi. Doute. C'est toujours se poser la question de... Sans... Malheureusement, parenthèse, mais le doute, c'est quelque chose aussi qui est très utile pour empêcher les lanceurs d'alerte sur des choses. Je pense au glyphosate pour la mort des abeilles, où c'est de plus en plus avéré le lien. Mais à partir du moment où on amène déjà des preuves scientifiques, on a d'autres chercheurs accrédités par Monsanto et compagnie qui vont vous dire « Ah mais non, mais il y a le doute hein, », qui vont amener cette part de doute et en apportant d'autres éléments. Il faut encore douter sur ce qui Ah mais c'est permanent, hein, c'est l'esprit là qui fonctionne, c'est sûr. Mais ouais, non, mais c'est l'être humain a toujours été complexe et nos sociétés sous couvert d'être assez ressemblantes les unes aux autres. En fait, il y a une complexité énorme derrière qui fait que avec l'évolution, il y a plein de territoires inconnus qui s'ouvrent à nous au niveau technologique. De la santé, le monde est en train de changer brutalement, quoi. Donc tout ça, c'est toujours périlleux, c'est sûr. Donc, tu apportes un regard peut-être un petit peu, pas optimiste, mais d'espoir, en fait, parce qu'il y a je crois plus... une tendance quand même vraiment dépressive, c'est général, on est foutu, les jeunes ne font plus que sont des geeks, alors qu'effectivement... Je vois l'exemple du Chili, je reviens à ce pays qui m'est cher, parce que à 20 ans, j'ai vécu le coup d'État de Pinochet, enfin voilà, là-bas, donc... Et tous les remous qui ont été autour. Mais en fait, le Chili, c'est le lieu où l'ultralibéralisme qui nous envahit a fait école, quoi. Hein, puisque c'était Milton Friedman, des Chicago Boys des États-Unis, qui a fait venir Pinochet et qui leur a livré le pays, quoi. C'est une économie qui est dirigé par 7-8 transnationales. Enfin, voilà. Et bien, au Chili, alors qu'il y a des problèmes de pollution partout, il n'y a aucune conscience de la part de ces multinationales, voire des dirigeants, etc., où la loi, la constitution date encore de Pinochet, donc quand on parle de démocratisation, c'est du pipeau, et bien le week-end de la mi-mai, là, les Chiliens ont désigné les futurs rédacteurs de la Constitution, la nouvelle Constitution. Donc il y a une constituante qui est en train de se faire, sous la pression de la rue. Hein. C'est-à-dire une rue qui a été réprimée, comme en Colombie à l'heure actuelle, où il y a des dizaines de morts dont on parle peu. Moi, je n'ai pas de parti pris, mais... Je ne suis pas du côté de l'ultralibéralisme. Oui, on avait deviné quand même. Il y a les deux tiers des futurs rédacteurs qui sont soit de la gauche traditionnelle, soit de la gauche alternative. Ah. Et parmi eux, il y a des représentants, enfin, des peuples originels, donc des Mapuches. Ah, ils ont, je pense, je suis quasiment sûr qu'ils vont inscrire le mot environnement dans la Constitution. Donc rien que ça va changer la date, parce que ça sera dans la loi fondamentale. Environnement, alors que... Donc il y a toujours espoir. Nous, en France, on n'a toujours pas... c'est toujours pas inscrit dans notre Constitution. On en est toujours à se dire que la 5e République, ceci, cela, elle est toujours là, et puis on n'a pas changé encore grand-chose. C'est bien de changer un petit peu, d'arriver, mais ça, c'est un autre débat. Et pas seulement en changeant un article, en regardant un peu les... En faisant l'analyse, en tirant les leçons de tout ce qu'on vit depuis ces dernières décennies, les corruptions, les représentations pas toujours bienveillante. C'est difficile pour toi en tant que journaliste. Tu as un droit de réserve, je voyais sur les réseaux sociaux par rapport au non, Liban. Non, maintenant je. Ouais, enfin, Palestine. Je, oui, tout mais ça, j'étais aussi éditorialiste, hein, donc. Il faut, à un moment donné, on peut se permettre dans un type de cadre de prendre des positions, oui. Heureusement. Mais pas dans les enquêtes, mais sur l'édito. Ouais. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'est que les gens de droite disaient que j'étais à gauche, les gens de gauche disaient oh, « tu es un peu à droite, toi ». Mais... D'accord. Parce qu'on, justement, c'est ça qui est intéressant. On ne colle pas à une vérité ou à, oui, à une doctrine. On cherche on a en toujours fonction, à prendre en fonction un petit peu de des situations, des, une analyse qui peut être différente. Oui. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est vrai, politique. Il y a aussi une question qui m'était apparue à la lecture de cet voyage initiatique. C'est, je me suis demandé, c'est peut-être loufoque, est-ce qu'il y a un lien entre l'initiation maçonnique et l'initiation dans les sociétés traditionnelles ? Même si au niveau du temps, chronologiquement, c'est anachronique, mais ouais. Est-ce qu'il y a un lien ? Donc ça veut dire que je suis franc-maçon et je l'assume. Je n'ai pas posé la question. J'ai écrit un livre qui direct. S'appelle voilà. « On n'allait pas franc-maçon, on devient ». Voilà, donc j'en ai déduit que tu en étais. Je me suis trompée. Je suis depuis 35 ans. Donc, oui, voilà. 35 ans, j'ai, ouais. J'ai atteint un seuil. D'accord. Où je peux m'exprimer. Parce qu'on s'élève hein, dans oui, la franc-maçonnerie. Ah ben moi, je veux savoir. J'ai envie de savoir. Le rapport entre l'initiation, c'est toujours le même principe. Hein, c'est la Renaissance. Quoi, l'idée de l'initiation maçonnique, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, s'absoudre, s'abstraire de son vécu, de son, les bouddhistes diraient de la poussière rouge du monde. Oui. Essayer de voir quelles sont les acuités, les aspérités qu'on a en nous, et puis se chercher surtout soi-même, quoi. Moi, j'ai un peu quitté le monde de la religion, on l'a compris. Par contre, je suis un partisan de ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai créé le terme, le sacré radical. Quoi. Le sacré radical, celui qui vient des racines, radical, d'accord. Au sens racine, ouais. C'est-à-dire de soi-même. Mmh. Et on a chacun notre sacré radical. Et ceux qui le trouvent, souvent, sont les artistes. On parlait, je voulais te parler de feu sacré parmi les mots. C'est ça, c'est le sacré. Donc, le sacré n'appartient pas à la seule religion, heureusement. Quoi. Le sacré, c'est ce qui permet de sortir de tout venant, quoi. Enfin, de se trouver, vraiment. D'élévation, quand même. Voilà, c'est ça. Et la maçonnerie, c'est un lieu où on travaille, c'est-à-dire où on se protège. C'est pas un lieu où on fait des messes noires, etc. C'est justement, on se protège du monde. Ça s'appelle le temple. L'atelier, la loge, on se protège du monde. Et là, on organise le débat. Et chacun peut s'exprimer sans interrompre l'autre, etc. Sur des sujets très variés. Ça peut être sociétaux, plus spirituels, etc. C'est un lieu où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est pour ça que je ne répondrai pas à la question on s'élève ou pas. Il n'y a pas d'enjeu. Quand je parlais du terminal tout à l'heure, c'est ça. On peut même être au grade terminal de la franc-maçonnerie. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours des allers-retours avec ce qu'on est. Apprenti, compagnon, maître, etc. Et comme dans la vie. Notre vie, elle est toujours faite d'allers-retours. Moi, j'ai toujours des réminiscences d'enfance, j'ai des expériences d'adulte qui me reviennent à l'esprit quand je suis face à une situation. Et ça m'aide énormément. Avec cette intuition, j'aime beaucoup ce terme d'intuition. qui fait que, justement, parce qu'on se connaît un peu soi-même, qu'on connaît ce qu'on a à l'intérieur de soi, et je montre le ventre, il y a le cœur aussi, et souvent ça vient de là. Les tripes, oui. Et ben, on a des réactions différentes. Moi, je pense avoir échappé à la mort une fois grâce à ça. Quoi. Je raconte dans le désert, là, c'est ça? Non, c'était un peu, c'était Mindelo. C'est pas les côtelettes, là, Si, il y a eu plusieurs. mais ça, c'est plus dans Grand Reporter, le pas de côté. Mindelo, oui. La ville de Cesarea Evora, où il y a des bars, musique partout, etc. Un dimanche, c'est une petite ville, hein, l'église, deux mamies qui sont sur un banc, des enfants qui jouent, je traverse, et là, j'ai un mec qui me braque avec un flingue en face de moi. Et là, j'ai une intuition, je ne sais pas, je parle en portugais, et je lui dis, moi, je ne vais pas fazer isso, rapaz, tu ne vas pas faire ça, mec, avec un sourire. Il est parti en courant, en rigolant, il est parti. Ah oui, d'accord. Et j'ai toujours ce canon en face de moi. Je ne sais pas s'il l'aurait tiré et tout, mais c'est parce qu'on se connaît. Donc, l'initiation, c'est ça aussi, c'est se découvrir soi-même, quoi. Mais dans l'échange avec les autres, toujours, toujours. La maçonnerie, c'est ça. Au-delà de tout ce qu'on peut en dire, de l'alimentaire. Alors, j'ai l'impression, bon, petit aparté, mais qu'elle sort un peu de son contexte secret. Oui, alors. Sauf que j'ai vu des conférences, Mirko, il y a une loge maçonnique. Qui est la plus ancienne loge des Vosges, d'ailleurs. Enfin, historiquement, c'est-à-dire, parce que c'était la capitale des Vosges, hein, Mirko. Oui, mais forcément, le secret, il y a différents sens au mot secret. Et toute initiation est secrète, puisqu'elle est intime. Elle est en soi-même. Donc c'est forcément secret, puisque ça fait partie de nous, quoi, de notre intimité. Après, à chacun d'être libre de partager ça, comme je le fais dans mes écrits, ça me nourrit aussi. Mais c'est... Alors, pour en revenir à la question initiale, bah, chaque initiation, le cadre est différent, quoi. Donc... forcément, c'est une ouverture différente, mais à chaque fois, le principe reste le même et le moteur reste le même. C'est-à-dire, c'est à l'épuiser, ouais. Voilà. En soi, quoi. Je pense que tu puises aussi dans ton expérience maçonnique, aussi dans l'écriture. Parce qu'il y a énormément de choses qui ressortent. Hein. Beaucoup de symboles, beaucoup de... Ouais, mais le symbole, il est partout dans toutes les sociétés, quoi. Le symbole du 7, par exemple, Du chiffre, il va avoir ce qui est intéressant, c'est ça. C'est un peu le thème des 7 voyages initiatiques, c'est-à-dire qu'un symbole, par exemple, le rouge, dans le désert du Taklamakan, où les Yolgours se battent depuis 40 ans. Et on commence seulement à en parler, hein. La libération a fait une, parce que c'est vraiment une catastrophe, c'est un génocide, entre guillemets, civilisation de Pékin, enfin, c'est l'horreur pour exploiter les ressources, hein. Et du coup, le rouge, bah, il va pas avoir la même signification pour la jeune archéologue bretonne qui voit peut-être l'amour, et le combattant Yougour qui l'aime, qui va y voir aussi la violence. Et la symbolique du rouge, elle est très forte, ou celle du serpent. Et l'idée d'un symbole, c'est quoi? Symbole, ça vient du grec sum, bolein, qui veut dire réunir. Sum, bolein. C'est le contraire de diabolein, le diable qui désunit. Mais qui unit, non pas sur une vérité. Un symbole, il est visible ou compris d'une façon par l'un, y compris dans une loge maçonnique. Chacun va y voir ce qu'il veut. Et l'idée, c'est ça. C'est-à-dire le symbole, il reste là. D'ouvrir le débat. Il préexiste. Symbole. Tout est symbole. Ça me fait penser à un livre de Mircea Eliade. Oui, voilà. Bah, oui. De toute façon, on se nourrit de la philosophie. La maçonnerie, c'est une institution philosophique progressive et philanthropique. Le livre le plus important qu'on peut... Le livre le plus important que tu écris pour toi, est-ce qu'on a un rapport affectif à tes écrits? Est-ce qu'il y en a un... C'est le prochain que j'écrirai. Ah, c'est beau, ça, oui. Si, c'est celui qui, oui, que j'aimerais bien faire sortir. Non, il est écrit. Donc... Alors, donc, c'est un livre qui va... On peut en parler un petit peu? Oui. Ou t'es pas superstitieux? Non, c'est un... Ouais, c'est un livre qui a été inspiré par... par ces confinements, je voulais pas refaire encore un, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur le confinement, les critiques, les, la dérive des confinements, etc. Même si c'est un terme que j'aime bien, d'ailleurs, j'utilise dans une des nouvelles. Donc c'est une série de nouvelles qui justement mettent l'accent sur la capacité souvent des artistes, mais aussi d'autres personnes à trouver la voie, quelles que soient les circonstances, dire, à réagir face au pire. Bon, c'est pas toujours facile, c'est clair, mais donc j'ai voulu un peu de mouvement gay, et tout ça s'est servi par l'imaginaire, quoi. C'est notre deuxième, ce qu'on utilise pas assez souvent. On a deux cerveaux, dit-on, mais il y en a un qui fonctionne et l'autre un peu moins. C'est celui que font fonctionner les artistes, qu'on traite de fou parfois, parce que moi j'adore la folie des artistes. C'est justement ce qui te fait bouger, ce qui te fait réagir. Et donc c'est des gens comme ça, quoi. Ça peut être une marchande de légumes qui... je ne veux pas déflorer le sujet, mais qui est esprit en Amazonie la nuit et marchande de légumes sous le marché couvert le jour. Quoi. On est dans la fiction ou alors dans ça, on le est dans la pure fiction, mais pure tout fiction. Inspiré, mais tout m'inspire, quoi. C'est-à-dire le facteur lévitant, c'est mon facteur, mais il ne le saura jamais. Quoi. Mais si, il va le découvrir. Mais après, j'imagine des choses qu'il a jamais vécues sans doute. Enfin, voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est des séries de portraits, mais ils ne sont jamais tout seuls, de toute façon. Et l'autre idée, c'est d'en faire un livre audio. Quoi. Un livre audio. Ouais. Tu as déjà l'éditeur Non, voilà. Mais sinon, je vais l'auto-éditer ou je ne sais pas. Je vais voir. Te lancer Ulule. Audio, alors c'est-à-dire que tu comptes Je choisirais, il y a une dizaine de nouvelles, je choisirais une dizaine de personnes avec des voix différentes, des femmes, des hommes. Oui, ça donne un relief. Et puis il y aurait le livre, il y aurait le CD. Et en plus, il y a un des chanteurs sans voix, ceux qui ont été obligés de plus chanter, quoi. Pendant des mois et des mois, hein, puisqu'il n'y a plus de concert, plus rien, qui crée une chanson, et donc il y aura une chanson aussi. Voilà, j'avais posé la question sur la musique. Qui s'appelle Entre parenthèses. Voilà. On a été entre parenthèses quelque part, mais dans ces parenthèses-là, il y a eu de la vie, quoi. Ça, c'est le titre de l'hymne. Entre parenthèses. Le livre. La fin de tous les toxins. Enfin, c'est une utopie. Mais... La fin de tous les toxins. Toxins. Ouais. Et j'aurais aimé appeler ça la cinquième saison, mais il y a déjà un ouvrage qui s'appelle comme ça. J'ai écrit les haïkus de la cinquième saison, mais si je n'ai pas publié, je ne publie rien. Mais... C'est vrai? Ouais. Mais il y a déjà un roman. Cinquième saison. Et il y a un roman, ouais. Tu m'apprends. Mais c'est le dernier mot de l'hymne, la cinquième saison, c'est ça. D'accord, ouais. Donc voilà, oui, une saison hors du temps, hors des autres saisons. J'ai vraiment quelque chose. Et en fait, ça m'a inspiré parce que dans Baltique, c'est une région d'Estonie où ils vivent la cinquième saison. C'est-à-dire, en fait, c'est juste après l'hiver et toute la neige fond, la glace fond, etc. Et ça crée dans un paysage, c'est un parc. National, ça crée vraiment un paysage nouveau qui dure pas longtemps. on peut se promener en bateau, enfin en pirogue, en kayak, etc. Et où la vie est différente. Voilà, ils appellent ça la cinquième saison. Ils appellent ça la cinquième saison. D'accord. Donc, j'en parlais dans dernier bouquin. Hein, ça, là, voilà, Baltique, qui n'est pas un roman, qui est non, qui est un récit, quoi. Enfin voilà, c'est un essai sur les pays baltes. D'accord. Qui sont une région, alors qui font l'objet de conférences aussi, et qui ouais, c'est une région vraiment sensible, quoi, entre deux mondes, quoi, l'Europe et la Russie, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup d'actualité, tout ça. Oui, mais t'as une grosse actualité, hein. En fait, il y a beaucoup de... Bah, tous ceux-là ont été... De parutions, là, proches. Coup sur coup, ouais. Beaucoup de choses, hein, donc... est-ce que je me trompe, ou est-ce que tu as une hésitation pour aller vers le roman, ou, parce que c'est tellement nourri ce que tu fais, ce que tu écris, et tu es aussi rivé à ton écriture journalistique qui est très riche, hein, mais est-ce que tu as envie d'aller vers un roman? Bon, il y a quand même Aquavauge qui signe ton premier roman en 2004, ça fait 7 ans, hein. Donc 7 ans après. Liqueur noire aussi, et puis, avant. Ah, ça c'était avant, ouais. Liqueur noir, d'accord. Ouais. La pays yougoslave, ouais. Bah là, je suis plus dans le genre nouvelle, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est de la fiction aussi, hein. Même si, oui. Parce qu'un roman, enfin, je veux dire, c'est pareil. Bien c'est sûr. La réalité peut l'inspirer. Ouais. Non, je suis très influencé par un de mes auteurs. Mythique, qui malheureusement nous a quittés au début du confinement, Luis Sepúlveda, quoi. L'auteur chilien qui a vécu 30 ans en exil. Voilà, quoi. D'accord. Donc lui, il écrivait des nouvelles aussi. Ouais, mais c'est un genre, la nouvelle, qui est très latino-américain, quoi. Et moi, je suis assez influencé par ça. Oui, hein, je pense que l'ouverture des 7 voyages initiatiques, là, tu m'as... Oui. Alors, est-ce qu'on peut te demander... Parce que vraiment, je pense que les Mapuches, c'est très important. Le lien, il est fort, là. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as eu plus de... tu disais que tu es leur messager. Est-ce que c'est à ce moment-là où c'est opéré quelque chose au niveau initiatique? Est-ce que tu peux nous raconter est-ce que ça se dit ou pas d'expérience Ça reste plutôt intime, hein, ce que je oui. dis. Ça fait partie d'une sorte de secret. Quoi. Voilà, de respect aussi, enfin, de respect d'autrui, c'est un mot qui est clé pour moi aussi. Il y a eu d'autres expériences. Je me souviens au Brésil, où j'ai vécu 2 ans en tant qu'enseignant dans une université. J'étais jeune, diplômé. Et j'ai tout de suite été attiré par la macumba. C'est l'équivalent du vaudou haïtien. Alors l'idée, c'était d'observer. Évidemment, c'était l'attrait du futur journaliste. Quoi. Ouais. C'était d'observer cette inversion de pouvoir qui se fait dans ces terreiros de Macumba ou de Candomblé, où ce sont les petits blancs ou les noirs des favelas, ça se passe dans la favela, qui deviennent, qui ont, en intégrant les esprits, en quelque sorte, ouais. En intégrant les esprits, prennent la main sur les gens qui viennent les consulter, c'est-à-dire qui peuvent être des banquiers, des députés. Donc il y a une sorte d'inversion de pouvoir, comme durant le carnaval, hein, où au Brésil, on remet la clé au roi Momo, donc c'est le maire de la ville qui remet la clé, et tout est ouvert. Inversion de sexe, de pouvoir, tout est, tout change, quoi. Tout est mis en sens de surtout, voilà. Et ça m'intéressait. Et donc j'ai réussi à pénétrer un terreiro de Macumba dans la petite ville où j'étais. Et du coup, je ne suis pas allé une fois, mais j'y suis allé pendant un an et demi. Et donc j'ai pu vivre des rites d'initiation, etc. Donc ça date déjà de... Ouais, j'avais 24 ans. Oui, dès que tu as aperçu, envie de dire, happé par le magique. Mais tu vas me dire non, je suis survenu. Ouais, enfin, je ne sais pas si on en revient toujours. Moi, je pense qu'il... Je ne sais pas si la magie existe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui nous échappent, quoi. Donc, et voilà, donc j'essaye d'aller aussi à la rencontre de ça. C'est ce que j'appelle l'invisible aussi, hein. Donc, ça fait partie du moi intérieur, quoi. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose qui. Et le voyage, enfin, le séjour que je devais faire pendant le confinement, là, c'était en Mongolie. J'allais partir deux à trois mois pour aller à la rencontre des chamans de Mongolie, quoi. Mais en ville et sur le territoire, dans le désert, quoi. Enfin, d'accord. Dans la toundra. À la fois en ville. Parce qu'il y a aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une relation, une interrelation, parce que tout est interdépendant, en fait. Quand on parlait des végétaux, des animaux, tout ça, y compris entre le monde urbain et rural, enfin, entre guillemets. Le chamanisme, il a imprégné la ville aussi, ou l'ambateur, par exemple. Au niveau de la création, encore une fois, artistique, c'est vrai, y compris chez les Mapuches. Les jeunes Mapuches qui veulent prendre l'ascenseur social, ils deviennent avocats pour défendre la cause, journalistes pour en parler, ou artistes pour exprimer ce qu'est leur création, leur culture. Donc tout ça, c'est important. Donc il y a toujours des liens entre les choses, les lieux. Est-ce que c'est vrai que quand on parle de chamanisme, on pense souvent à la Mongolie. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est une grosse tradition, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des chamans blancs dans les Vosges? Je crois qu'il y en a. Ouais. Mais je n'y verrai aucun nom. On se souvient de la chasse aux sorcières là, Il y a un petit feu derrière. Là, c'est pas si vieux. Hein. 16e siècle. Ouais. Puis, ouais. Après, c'est un peu ce que je disais sur le terme un peu galvaudé de voyage initiatique. Hein, bien sûr, pas pour ton livre, hein, qui porte vraiment toutes les promesses du titre. Mais aussi beaucoup de chamans à droite à gauche. J'ai même vu un chaman avec une carte de visite. Et c'est aussi un phénomène de mode, un petit peu de... Voilà. Oui, ben... Enfin, moi, ce qui est sûr, c'est que je suis pas dans ce phénomène-là. Non. Mais tu as observé ça, ça construit... Je veux dire, ça doit te faire sourire. Oui, bah, c'est comme quand il y avait un candidat indien qui se présentait dans la plaine. Hein, où il était sympathique, quoi, mais voilà. Comme après, moi, à la limite, je suis pas contre. Hein. Mais ça fait partie aussi de... Je préfère le vivre chez eux, quoi. C'est vrai qu'ils m'ont fait la surprise de nommer messager, mais j'en étais tout à la fois inquiet. Hein. Inquiet, ça veut dire une pièce qui n'est pas dans le repos, qui est en mouvement. Oui. Donc, oh là là, est-ce que une responsabilité énorme. Une responsabilité. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je fais les conférences, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est pour ça que. Et ils m'ont dit, on parlait d'anthropologie, ils m'ont dit on se méfie des anthropologues. Mais bien sûr. Parce qu'après, ils vont dire des choses sur nous, etc. Mais bon, apparemment, l'ouvrage est bien passé, ça se passe bien. Ouais. D'où l'importance de l'humilité aussi, quoi, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où il y a eu une rupture ? Oui, on a toujours des ruptures. Hein. Ouais. Professionnelle, enfin vraiment, ou un truc. Oui. Tu veux raconter ? Ou tu sors le joker ? Joker. Ouais. Okay. Mais ça arrive, ça m'est encore arrivé récemment. Au niveau professionnel, j'ai si je peux en parler de ça. Massif des Vosges Magazine et ce qui est devenu Montagne des Vosges, hein. Et puis je me suis fait virer, quoi, par le patron parisien qui, voilà. D'accord. Mais j'ai vite rebondi, enfin voilà, c'est pas tout ça parce qu'il trouvait, je sais pas, peut-être que je coûtais trop cher ou je sais pas, enfin voilà. Mais ça arrive à tout âge. Il y a des ruptures sentimentales, il y a des ruptures d'amitié. C'est peut-être aussi, comme tu disais, ne pas être toujours lisse et vivre des transports et des retours. Voilà, c'est ça. Puis je pense qu'on est, de toute façon, c'est toujours un peu dur à entendre, mais on est seul et on meurt seul, et le reste, c'est que des rencontres, quoi. C'est, voilà, c'est, alors qui sont fabuleuses, qui sont moins fabuleuses, qui sont qui génèrent plein d'engagements, qui et que ça soit au niveau personnel, professionnel, tout ça c'est lié, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup Claude Vautrin. Est-ce que tu as autre chose à... est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée, que tu aurais aimé qu'on te pose dans toutes tes conférences, dans tes... est-ce qu'on passe à côté aussi de quelque chose d'essentiel, nous tous, là, Non, je crois qu'il faut, voilà, il faut être curieux, il faut, mais pas une curiosité malsaine, quoi, c'est, une question qu'on aurait bien aimé me poser. Que toi tu aurais aimé, hein, qu'on te pose, ou que tu trouves. Est-ce que les autres te renvoient Ouais, forcément. De toute façon, tout est miroir. Hein. Enfin, ouais. Après je prends ici et maintenant. Quoi. C'est ça aussi le truc important, c'est de pas toujours se faire des plans. C'est même si ça s'inscrit, après on s'est construit, on est dans une, on suit un chemin, quoi. Oui. On suit un chemin, mais ce qui est essentiel, c'est les valeurs, quoi. C'est, oui. Voilà. Oui. Ah, les valeurs, après. Il faut les mettre en pratique, il faut, c'est pas toujours simple, donc on peut se remettre en cause, et puis, ben, puis on se parle, et puis voilà. Bon, toi qui es un grand professionnel, je vais te laisser conclure. Je dirais, c'est un grand merci de donner l'occasion de m'exprimer, parce que ça n'a pas été c'est la relance peut-être, hein, on espère. Il y a des rendez-vous qui se profilent, donc ouais. Des salons. Ouais. Et puis il y a tellement matière. Mais un grand merci pour cet entretien. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup à toi. Mais merci. Sur radio que j'ai faite, c'était Radio Gemozo. Ah. Non, c'était encore dans le. Un coucou à Radio Gemozo. Ouais. Ouais. Ben, un petit coucou à Radio Gemozo, oui, parce que. J'ai un souvenir de ma première émission en radio. Alors ça date, c'était encore près de Gemozo, au-dessus de Rupt-sur-Moselle. Là où prend la Moselle, la petite, prend naissance. Non, dans la montagne, là, il fallait monter. Et on était venu parler des médias avec un journaliste, un de mes collègues de la Liberté de l'Est à l'époque. Oui. Et on avait fait une émission sympa. Voilà. Bon. Donc, voilà. Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs. Merci, c'est cadeau. Hein. Ah, ah. Alors, c'était le dialogue de Marie-Pascale Gaudet et Claude Vautrin, qui a été déjà diffusé précédemment, qui le sera encore mercredi prochain dans la rediffusion de cette émission, et qui fait l'objet, surtout à l'heure actuelle, d'une publication écrite dans l'Écho des Vosges. Le premier article est paru la semaine dernière, le deuxième hier, et le troisième le sera la semaine prochaine. Voilà, en trois volets, Claude Vautrin, un maître avancé. Et maintenant, la guerre de 14, le Croix-Rouge de mémoire dont je vous parlais, ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que ceci se situe dans un événement particulier à Fraisse. Le 30 a lieu en effet à Fraisse-sur-Moselle l'inauguration du monument aux morts. Alors, Dominique Peduzzi, qui est maire de Fraisse, a tenu depuis 2014 à célébrer la guerre en un comité d'histoire qui s'est créé. Et on a fait chaque année 14, 15, 16, 17, 18, avec des expositions, avec justement ce Croix-Rouge que vous allez entendre en 2016. Et puis, on aura aussi, surtout le 30, l'inauguration du monument, de l'anniversaire du monument aux morts qui a été érigé en 1921. Donc on est au centenaire du monument aux morts et il y aura des cérémonies importantes, concerts, discours bien sûr, évocations, plaques, et tout ceci à Fraisse-sur-Moselle. La veille, à la salle des fêtes de Fraisse-sur-Moselle, à la salle de spectacle, plus exactement, d'ailleurs, c'est pas, il y a la salle des fêtes et la salle de spectacle, ne pas confondre, à 20h30, donc, eh bien, Jean-Claude Luçon, avec des musiciens, a conçu un extrait des témoignages que vous allez entendre. Il en a fait un montage musical et, je dirais, poétique, enfin, au sens où il a pris l'essentiel, la substantifique moelle humaine de ces témoignages qui vont suivre. Et ils seront lus par les lecteurs, par 11, si je me rappelle bien, enfin, non, 10, 9, je n'ai pas compté, enfin, vous les verrez bien, lecteurs de recré, voilà. Donc, on entendra aussi dans ce qui va suivre des voix chères qui se sont tues, parmi les témoins qui avaient été enregistrés en 2016. Le premier qui est parti, ça a été Léon Waldener, qui déjà, le pauvre, avait une élocution un peu difficile. Léon Waldener, originaire de Fraisse, qui habitait le Thio. Et puis, Jeannine Guédot, de Busson, qui nous a quittés il y a un an, pas tout à fait un an encore. Voilà donc une émotion, beaucoup de souvenirs et une intensité de témoignage sur le vécu tel qu'il n'a pas été relaté par ailleurs, le vécu des anciens de la guerre de 14 qui était relaté donc dans ce Croix-Rouge. En fait, évidemment, c'était en indirect. On avait bien sûr des témoins déjà âgés qui parlaient de leur père ou oncle, enfin des anciens glorieux qui avaient fait la guerre de 14. Voilà, une guerre qui a vraiment marqué, d'où le monument aux morts, puisque vous le savez, partout, les monuments aux morts de 14-18 sont vraiment impressionnants. À Fraisse, je crois que c'est dans les 80, 70 et quelques 80 morts. À Busson, c'est dans les 110. Au Thio, je crois que c'est dans les 150. Saint-Maurice, c'est dans les 110 et quelques. Voilà. On avait évoqué il y a quelques années d'ailleurs la vie et la mort de Jean Potcher, qui est mort en 1918 comme pacifiste, Jean Potcher, le fils de Maurice Potcher. Voilà, donc bonne écoute et voilà. Et une pensée pour tous ces anciens et anciennes. Bien, donc on aura le micro. Bonjour, mesdames mademoiselle Siana, je pense, messieurs. Voilà, donc Quaroche de mémoire, Quaroche parce que bah, c'est une discussion qui se fera avec quelques témoins qu'on va présenter et qui nous donneront des aperçus de la guerre de 14. On essaiera d'adopter un plan un petit peu chronologique, mais on n'est pas obligé, on pourra aller et venir. C'est-à-dire on commencera en 14 et on finira en 23 ou même en 30, puisque après on parlera des médailles éventuellement, si on a le temps, des médailles obtenues et de l'après-guerre. Donc voilà. Alors l'idée était bien sûr de réunir des anciens qui peuvent témoigner de leurs parents, pères ou bien grands-pères, ou bien membres de la famille, et qui vont nous éclairer sur quelques détails ignorés de la guerre de 14. Et des détails souvent émouvants. Alors, il y en a, certains témoignages sont déjà parus, puisque Daniel est là, dans le journal de La Voix l'année dernière, ceux de Henri, ceux un petit peu de Léon, mais encore pas développés, on développera plus aujourd'hui, ceux de Janine et Jean-Pierre Drouin, ceux de Georges Guédot et Janine et Georges Guédot, et donc, en plus, donc on va vous présenter Anna, donc... je vous présente, tu veux le micro, Georges Guédot de Bussan, Jean-Pierre Drouin et Janine Drouin de Fraisse, Maurice Delame de Saint-Maurice, René Cole de Fraisse, Léon Valdener, dit Bichon, aussi, je n'ai pas dit tous les prénoms, Valdener, enfin on peut dire de Fraisse, mais aussi du Ménil et puis de. Voilà. Donc, Janine Guédot, qui est présente, et, excusez-moi votre prénom, Monsieur Boileau. Benoît Grosjean, mais je... Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est... J'ai dit Boileau. C'est ma mère qui est Boileau, et... Voilà. Boileau du Bourgeon, voilà. Précisément. Alors, sachant que les autres personnes seront appelées, ils vont parler sur les organisateurs, mais toutes les autres personnes, membres du comité de la guerre de 14 ou autres, pourront intervenir et poser des questions complétées. Alors, dans mon propos, je vais essayer de... Je me suis servi aussi un petit peu du bulletin de l'Ordre de Moselle, où certains témoignages, dont celui d'Auguste Valdener, il y a tout le journal d'Auguste Valdener qui est paru, alors peut-être que je vous rafraîchirai la mémoire. Je vais essayer, moi, de parler le moins possible, de vous faire parler le plus possible, c'est là le but. On a aussi des documents, on en parlera quand on parlera du linge, M. Delave, en 1915. Restons donc en 14, et pour 14, on va commencer par l'ordre chronologique de la guerre, bien sûr. Alors, justement, M. Delave, on va essayer de faire circuler le micro quand même. Je vais vous donner la parole pour l'épisode qui est le plus marquant. Vous racontez souvent au sujet de votre père. En 14, justement, son souvenir le plus émouvant et le plus terrible même. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche. M'appelle. Bon, non, je suis le fils de Charles Delame, qui était engagé volontaire en 14 à l'âge de 18 ans. Et le premier souvenir, je ne sais pas d'autres, c'était lorsque, jeune de 18 ans, il a fait sa première charge à la baïonnette en cours d'une opération. Je ne sais plus si c'est en Champagne ou je ne me souviens plus, mais je sais qu'il m'a toujours raconté que son premier geste, c'était lorsqu'il est parti à la charge à la baïonnette et qu'il a trouvé en face de lui un jeune garçon allemand de 18 ans. Et c'était l'un ou l'autre à être embroché. Et c'est mon père qui a embroché au lit. Et il m'a dit, je garderai toute ma vie souvenir de ce gosse qui avait un peu d'âge et qui m'a regardé en disant « Maman !» Enfin, « Mutter » en allemand. Pour moi, c'était un souvenir épouvantable qui avait toute ma vie. Et alors, il était à ce moment-là à Valenciennes, hein, dans le Nord. Hein. Il était au 127e régiment. Au 127e régiment d'infanterie. De Valenciennes, puisque vous êtes originaire de Valenciennes. Voilà. Une génération... 18 générations depuis 1275 valenciennois. Ah oui. Oui. Et alors, pendant la guerre, quand vous, bien sûr, on en parlera largement, ils ont été quatre cousins engagés. Oui, il y en a trois qui ont été tués à Berlin. Ouais. Mon père, est sorti. Voilà, donc, après, dans l'ordre des choses, je vais passer la parole juste une question à René Cole, c'est le père. Vous m'avez dit qu'Henri, il était de la classe 11, il était dans le 30e bataillon de chasseurs à pied, mais vous avez dit qu'en 14, il était, on reste en 14 pour l'instant, il était aux casernes du Mont de Fourche. Oui, ils faisaient du feu pour, elles étaient seulement construites ces casernes-là, ils faisaient du feu pour sécher les plâtres. Ah d'accord. Pendant son... Parce qu'il était de la classe 11 et il était sûrement mobilisé depuis 1911. Alors il faisait ses classes au château Larbert. Au château Larbert, au Montfort. D'accord. Il y avait deux porterettes. Ah oui, d'accord. C'était les classes qu'il faisait. Oui. Avant de partir au 30e. Oui, il n'a pas été libéré, la guerre a repris, il a continué. Ah oui. Et vous, Léon, vous disiez que votre père avait été. C'est Auguste, ou c'est votre père, c'était qui alors? Joseph. Ah, c'était Joseph, d'accord. Oui. Donc vous disiez qu'il était parti, il était en caserne à Saint-Étienne. Oui. Et quand il est parti, il était de la classe 12, quand il est parti, quand sa guerre a éclaté, oui. Ah bon, il était à la Maraude, soit aux pommes, soit aux cerises. Il a dû descendre dedans pour partir à la guerre. Ah, d'accord, oui, Marcel. Oui, mais j'ai plus rien à dire. Ah, mais ça, dont on parlait tout à l'heure. Alors. Auguste, lui, j'ai lu son journal. Alors, son journal est très complet. Il est paru dans le bulletin de la Moselle de 1999, je crois. Et il y a tout son journal qui est paru. Et là, il nous dit qu'il a été dans l'artillerie, hein, si vous êtes d'accord, hein, et qu'il avait une mitrailleuse aussi. Il était quatre dans l'artillerie, hein. D'accord. Mes oncles étaient quatre dans l'artillerie, puis mon père était juste au lit. Voilà, d'accord. Donc, il a fait l'Alsace, Gérard May, au début, on le trouve à Étival. Et voilà, donc, il y a des choses très intéressantes, je trouve. Par exemple, moi j'ai vu on ne peut pas tout raconter, mais il est très détaillé. Par exemple, il parle du tramway, du Honeck. Il parle du fourrage. Hier, on a eu une conférence et on voit bien le rôle du fourrage à l'époque pour les chevaux. Il parle de la cuisine. Tiens, il dit que. Je vous le dis quand même, vous ne vous le rappelez peut-être plus. Il dit que si c'est en 14, je me lève frais et dispo, les cuisiniers Mougel ne font pas la bonne cuisine et ne la font pas aux heures. On demande à les remplacer, je m'offre pour être cuisinier, au pied levé. Donc à partir de ce jour, je suis cuisinier à la 9e pièce. Voilà, ça c'était... Il y a tellement de détails, il raconte tout, hein. c'est assez passionnant. Et il raconte aussi qu'il a été... c'est étonnant parce que quand il est à Étival, il dit qu'il est logé à Saint-Léonard. Cela me fait plaisir, le 14 septembre, car je sais que ma tante y habite, que nous pourrons y aller, y coucher, nous deux Camille. Camille, c'était un cousin, c'est ça? Camille. Oui. Non, mais c'était... Un frère? Un frère. Ah ben oui. Ben, ouais. C'était le plaisir. Ah d'accord. Donc ils vont coucher, ils vont pouvoir coucher, c'est assez étonnant, hein, de voir quand même on pouvait... se promener un petit peu comme ça, si je peux dire. Et puis, il parle aussi de Eugène Maurice, du cousin Eugène Maurice, qui est mort au Ménil sur Belvitte. Ça vous dit quelque chose? Eugène Maurice, un cousin. Oui, il y avait des Maurice qui étaient logés à Rue. n'était pas avec nous, mais d'accord. C'est déjà bien. Là. Oui, là, mais, oui, forcément, dans les premiers mois de la guerre, hein, c'était au Ménil, dans les combats qui s'est déroulé vers le nord-est des Vosges. Voilà. Donc, après, on reviendra à ce journal qui est très précieux. J'ai noté aussi, parmi vos témoignages avant, qu'il y a souvent les territoriaux. Et les territoriaux sont les plus âgés, et c'est ainsi que Maurice Kotzer lui-même est parti comme territorial, était renversé Moselle. Charles Edmond Parmentier, Janine, il était le père, il était réserviste, on m'avait dit. Non, je sais pas mal de choses. Oui. Mais je ne peux pas vous dire plus que vous le savez, là. Oui, il ne savait pas à quel endroit il était, quoi. Si, il était à Saint-Py. Ah, c'est non, mais ça, le fils, non. Le fils. Charles-Edmond, par exemple, le fils a été tué. C'est mon grand-père, Charles-Edmond. Oui. Et le fils, Charles-Edmond aussi, qui a fait la guerre. Il est mort à la guerre. Oui, et le père était réserviste. Il était parti à un moment. Oui, c'est ça. De même, Jean-Pierre... ton grand-père, lui, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il était un peu trop jeune, trop vieux plutôt, pour faire la guerre. Et tu peux nous parler un peu de ce qu'il a fait. Il n'y a rien à dire puisqu'il le rappelle. Oui, d'accord, mais. Mon grand-père paternel, il est tenu en quelle année ? En 63. En 63, il est né. Il devait être trop vieux sans doute pour aller à la guerre, mais ses quatre fils, ils sont allés. Oui, alors justement, il y en avait... Trois fils sont allés, il y en avait qui étaient à Verdun, qui étaient gazés, blessés, les deux autres étaient dans l'artillerie un petit peu en arrière, ils sont revenus tous les trois. Et là, on a affiché... Mon quatrième était trop jeune. Mon père était trop jeune. Oui. Mon père est né en 98. Ah oui. Il aurait dû y aller parce qu'en 18, il ne devait pas être trop difficile, il devait prendre tout le monde. Mais il paraît qu'il lui était tellement maigre qu'on l'a ajourné. Elle a eu la veine. Alors il était ajourné, il a fait son service militaire. À Belfort qu'en 19. La guerre était finie. Mais ses trois frères y étaient. Et alors, sur ton grand-père, il y a laissé passer en Haute-Marne, il fallait présenter des laissés passer. Ah oui, parce qu'il n'était pas trop loin du front, alors il avait un laissé passer. Un laissé passer, c'est un petit truc, quoi, ça n'a pas d'intérêt si, quand même. La guerre. Voilà. C'est pour montrer. On a laissé passer, il avait le droit de se promener dans tout le canton parce qu'on faisait attention à ceux qui pouvaient des fois. Alors en 14 aussi, au début de la guerre, l'armée française donc va passer dans la vallée de la Ture et on a le cas des Alsaciens qui sont, sont déportés, si je peux dire, enfin évacués à Annonay. Ça, c'est un incident qu'on ne connaît pas ici, et pourtant, c'est tout de même important, pas loin de la candidature. Oui. Tu peux raconter, Janine, cet épisode des Alsaciens, ton grand-père, donc il s'appelait... Parce qu'il faut dire que l'armée française a tout de suite envahi, a passé tout de suite le col, et a pris toute la vallée de la Ture jusqu'à Tannes. Voilà. Jusqu'à Mulhouse. Jusqu'à Mulhouse, même. Et ils avaient peur que les Allemands reviennent, alors ils ont... rassembler tous les hommes en âge d'être soldats et les ont envoyés en Ardèche. C'est ça, à Annonay, oui, on a un extrait de journal qui est là. C'est là, on peut vous lire par exemple ça. On est là. Vendredi 11 septembre, un train spécial composé de 35 voitures est arrivé à Annonay à 21h, amenant 1318 Alsaciens qui ont été immédiatement conduits aux locaux qui leur avaient été préparés dans les bâtiments du Sacré-Cœur. Sur le quai de la gare se trouvèrent, pour les recevoir, monsieur le maire d'Annonay, les membres des divers comités de secours, les dames de la Croix-Rouge. Une foule énorme était massée sur le boulevard de la gare et sur la route de la Californie. Un service d'ordre très sévère était fait par la gendarmerie et les brigades de police à la tête desquelles se trouvaient monsieur Tavernon, commissaire de police, qui a droit, ainsi que le maréchal, des logis chef commandant des brigades de gendarmerie, à tous nos éloges pour la façon ferme et courtoise avec laquelle ils ont procédé au maintien de l'ordre. Tous les Alsaciens arrivés sont des hommes de 16 à 45 ans, tous en très bonne santé et ne paraissant pas fatigués de leur long voyage. Ces hommes sont tous des environs de Mulhouse. Ils allaient être mobilisés par les Allemands lorsque le général Pau, maîtres de leur région, les fit rapidement diriger en France afin d'éviter leur incorporation dans l'armée allemande. Tous, à leur arrivée, jusqu'à aujourd'hui, sont d'une correction parfaite et paraissent satisfaits de la façon dont on les traite. Nous nous permettons de demander à la municipalité de renseigner le public au sujet du paiement que font ces Alsaciens des marchandises qu'ils achètent en ville. Ils n'ont que de la monnaie allemande et comme de juste, on ne veut pas la recevoir. De là, de gros embarras pour eux et pour le vendeur. Il nous semble qu'il y a un moyen de tout concilier. Nous laissons ce soin aux autorités compétentes. Ça, c'était un article qui demandait... Voilà. D'accord. Ouais. Et j'ai vu en cherchant encore dans les documents, 3 jours après leur arrivée à Annonay, il est arrivé 1200 femmes et enfants de Verdun. Oui. Également. Parce qu'ils ont évacué aussi parce que c'était des lieux de bataille. Pour être à l'abri, quoi. Voilà. Enfin, ah, d'accord. Oui. L'Ardèche a accueilli énormément. Oui. C'est drôle. Ouais. Et après, ton grand-père, oui. Vas-y. Oui, alors, bon, même enfin, ils sont restés jusque. Bon, ils sont partis en septembre 14 et ils sont revenus en février 15. Mais en passant, bien sûr, par la France. Hein. Pas question de passer par l'Alsace. Hein. Et ils sont passés, d'ailleurs, je vais un détail, ils sont revenus par l'Ur, le Tio, par le tram. Ah, d'accord, le tram, oui, de l'époque, oui. Oui. Et d'accord. Bon, ma foi, il est allé jusqu'à Bussan. Il a cherché à s'établir, il a été chez Minot, oui. Les Minot qui avaient des marchands de vin. Voilà, ouais. Et Monsieur Minot étant à la guerre, hein, et il a remplacé Monsieur Minot dans son commerce. Hein, et il a fait venir ensuite sa femme et ses enfants qui étaient restés à Villers, dans la vallée de la Thur. Voilà. Ils ont quand même eu quelques problèmes en Ardèche parce que, avec leur accent alsacien, hein, ils étaient plus ou moins bien acceptés par les Ardéchois, forcément. Oui. Hein. Alors, il avait fait une affiche, une affiche pour se plaindre un petit peu, pour essayer de récupérer. Nous référons à l'article de la Gazette d'Annonay, signé un Annonéen qui observe, nous nous permettons de répondre ce qui suit. Nous remercions l'auteur anonyme de l'article d'avoir bien voulu nous signaler les faits regrettables dont quelques évacués ont dû se rendre coupables. Peut-être qu'il y a quelques Alsaciens qui se sont mal conduits, c'est possible aussi. Le comité était déjà renseigné sur ces faits et les regrette vivement. Aussi, des mesures sévères ont été prises immédiatement pour en empêcher le retour. Quant aux calomnies accumulées à la fin de l'article, ça c'était du mal des Alsaciens. Nous voulons bien admettre que l'auteur ne s'est pas rendu compte du caractère excessivement blessant des termes employés, mais néanmoins nous protestons de toute notre énergie contre de semblables procédés que nous jugeons indignes de la part d'un Français. Nous nous permettons de poser à l'auteur de l'article la question suivante. Qu'a-t-il fait, lui, pour être français, si ce n'est de s'être donné la peine de naître, sacrifié par le traité de Francfort? Nous n'avons cessé de protester par tous les moyens contre les traitements infligés par le vainqueur qui avait uniquement pour but de déraciner à jamais de nos cœurs le souvenir de notre ancienne patrie. Combien des nôtres, dans l'espoir d'une prochaine délivrance, ont abandonné tout ce qui leur était cher en quittant l'Alsace pour se mettre au service de la France? Et si l'auteur voulait se donner la peine de consulter les origines des officiers français, il serait sans doute fort étonné du nombre considérable d'Alsaciens lorrains qui se battent actuellement pour la France. Que l'auteur, qui a eu le triste courage de nous insulter sous le couvert de l'anonymat, attende le retour victorieux des fils du pays qui ont combattu dans nos régions, il rougira de sa méprise en apprenant l'accueil enthousiaste réservé à nos libérateurs, sans parler de tous les sacrifices que la population alsacienne tout entière s'est imposée pour assurer le bien-être de nos chers soldats français. Nous insistons pour faire savoir à la population annonéenne que nous ne sommes ni des indésirables, ni des suspects, mais simplement des évacués à l'approche de l'ennemi pour ne pas tomber entre ses mains. Parmi notre contingent se trouvent uniquement des gens qui, à l'approche des Français, n'étaient pas encore mobilisés et que les Allemands n'auraient pas manqué d'enrôler dès leur retour. Le commandant de place, n'étant pas certain de pouvoir tenir tête à un ennemi fortement supérieur en nombre, a préféré nous évacuer que de courir le risque de nous voir tomber entre les mains des Allemands. Bon, ça, c'est le comité des évacués, c'est vu et approuvé par le maire d'Annonay, qui avait approuvé l'affiche, le maire d'Annonay. Voilà. Ah oui, c'est important, ça, oui. Une petite information pour montrer un aspect. Est-ce qu'il y en a qui ont fait souche là-bas? Ah oui, est-ce qu'il y en a qui ont fait souche là-bas? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui ont fait souche là-bas? Annonay. Ils sont restés à Annonay. Est-ce qu'il y a des descendants? Est-ce qu'il y a des descendants qui sont qui sont tombés amoureux, qui ont créé, oui. qui sont restés là-bas pour. Oh non, non, ils ne sont pas restés très très longtemps. Hein. Enfin, je ne sais pas, son grand-père, lui, il a eu la chance, il s'est débrouillé pour revenir. C'est comme ça que lui, il a réussi. Il n'a pas réussi à revenir. Il était de Bichevillers. Il n'a pas réussi d'aller à Bichevillers, mais il a réussi à venir à la limite, à Bussan. C'est comme ça qu'il est venu à Bussan et que sa mère, elle, elle est née à Bussan. Eh oui, voilà. Et donc là, il a eu l'histoire à Bussan. Il a fait Souche à Bussan. Voilà. Et alors, justement, Bussan, votre femme, votre dame, Léon. Oui, voilà. Nous a dit l'autre jour que eux, ils étaient des crutes. Oui. Et c'est des fiers. Oui. Et eux, ils ont déménagé à l'arrivée des. Enfin, ils sont venus au Drummond. C'est dans du marquer au Drummond. Oui. Alors, ça, oui, justement, quand est-ce qu'ils ont quitté Crute? Ben, il y en a deux qui sont partis en Amérique. Ils ne voulaient pas que s'ils se passaient quelque chose dans le pays de nation, ils ne voulaient pas tirer sur leurs frères. C'est ça, oui. Et ils sont partis en Amérique. Et puis, ils sont tout. Et puis, les autres, on sont allés au Drummond. Ils ont continué la chose, et puis... Ouais, ça a été les Fiers, dont le dernier était l'ermite, comme on l'appelait, à Bussan. L'ermite Fierer, ouais, qui a eu quelques années, bah, qui est décédé, quoi. Voilà, alors ça c'était 14, on va peut-être, il y aurait beaucoup à dire en plus, mais on va rester sur les témoignages directs. Parce que dans le bulletin de Rosemoselle, il y a des trucs. Si, je vais quand même vous citer Jean Giraudoux qui est passé à Bussan. Il était un aide de camp de. Enfin, il traduisait et il était venu avec dans l'état-major. Et il dit que le maire, à ce moment-là, a enlevé l'inscription Bussan sans but, parce que à cause de la guerre, ça faisait un petit peu trop difficile quoi, de dire sans but. En août 14, il est venu. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions sur 14 ou des ajouts ou d'autres choses sur 14 même, la première année de la guerre? Donc je passe la parole à toute personne qui le veut, dans le public ou parmi les témoins. Sinon, on passera à 15. Alors 14, donc, voilà, cette première année, 6 premiers mois, ma foi. J'ai bien une petite anecdote. Oui. Qui concerne pas la guerre. Mais le temps que mon père était au Montfourche. Montfourche, ouais. Il avait une sœur, il était voisin aux parents de ma mère. Ma mère était voisine à mon père, à la colline. Ils habitaient à peu près à 500 mètres l'un de l'autre. Et puis sa sœur, qui était plus âgée que ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait peut-être 14 ans, 13, 14 ans, oui. Alors sa sœur, elle lui dit, il faut que j'aille voir Henri, son frère, au château Lambert, parce qu'il était censé être en caserne au château Lambert. Alors, je peux aller avec toi. Alors elle dit, va. Arrivé au château Lambert, il n'est pas là, il est au Montfourche, au fort du Montfourche. On est parti pour y aller, on y va. Elles sont parties à pied jusqu'au fort du Montfourche. Et puis au fort du Montfourche, depuis le Montfourche déjà pour aller au fort, il y a encore bien 3 km, hein, si ce n'est pas en plus. Eh bien, ils lui ont dit, ma foi, qu'il était au Montfourche, dans les casernes, là. Alors, elles sont revenues à la caserne. Et quand elles sont arrivées à la caserne, elles lui ont dit, il n'est pas là, il est à l'auberge, j'en me souviens, il y avait une auberge déjà, au Montfourche, au col. Il était à l'auberge. Alors, elles sont redescendues à l'auberge. Et bien, quand elles ont fait tout le voyage là, qu'elles ont trouvé mon père, il commençait à faire nuit, il était l'heure de rentrer. Voilà. Et voilà. Et ma mère ne le fréquentait pas, puisqu'elle était très jeune, et puis c'était pas son copain ni rien, enfin c'était des amis, quoi, des voisins. Ouais. Au sujet d'épouse ou de futures femmes, hein. Là, Léon, Votre père, non, c'est pas votre père, c'est Auguste, je confonds. Il dit que, il raconte qu'il apprend en octobre 14 la naissance d'une fille. Hein, et Victoire, c'était Victoire, mis au monde une petite fille. Ouais. Il était tout content, il avait une note dans son journal. Je peux poser une question à René? Oui, oui, bien sûr, au contraire. Moi, j'habitais au fort de la tête de l'ours. Hein. Allez. Hop. Oui, mon père était militaire de carrière et quand il a eu sa retraite, il était gardien de batterie au fort de la tête de l'ours pour le château Lambert. Et j'aimerais savoir en 1914, c'était quelle armée qui occupait quel bataillon. Ah ouais. Parce que jamais su quelle arme était là à l'époque. Mais on n'est pas livré militaire de votre père ou... Si, mais il est perdu. Je n'ai qu'un... L'essentiel, je ne l'ai pas, le livret militaire. Ouais. Je ne l'ai pas, l'essentiel. C'était pas les territoriaux, là, c'était... Non, non. C'est autre chose. Non, non, c'est un appelé. J'ai jamais su quelle arme. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai amené une photo, là, mais qui date de 1908. Ah, ouais. C'est un Paul-Henri Laurent, là, et lui, il était en dernier dans l'armée. Il est en photo là-bas, il est venu au ravitaillement au Tillot, une calèche, tout ça. Mm. Je ne sais pas de quelle arme c'était, jamais su. Ouais. Lui, il était dans les chasseurs à pied, mon père. Oui, c'est ça. Le 30e BCP, c'est pas ça? Oui. Oui. Ouais. Donc là, sur 14, il raconte aussi, Auguste, qu'il... oui, qu'il parle d'un contrat de main. Enfin, qu'il avait des nouvelles de la famille assez souvent. Et il raconte comment il lave son linge, tout ça. C'était toujours les soucis domestiques. Tout le temps, il fallait se laver son linge. Voilà. Il y a beaucoup de détails dans ce journal qu'on trouve dans le bulletin de votre Moselle. Donc... Il a marqué qui était. De faire des choses. Il a marqué, ben, ses souvenirs qu'il avait été blessé. Qu'il a été blessé, ben, ça oui. Ça a été le seul qui a été blessé sur les sept qui étaient sur le Ah oui, mais un peu plus tard alors. Un peu plus tard, c'était dans quelle bataille qu'il a été blessé? Ben, il n'a pas été blessé au front, lui, il a été blessé à une jambe. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, bah justement, on va passer à 15. Regardez pour l'instant, d'après Auguste. Auguste, lui, raconte, on parlera tout à l'heure de Bande de Sa, en 1915, et là, on va trouver Auguste Valdener, qui est dans l'artillerie. Oui, oui. Et lui, il va un petit peu... Il est à la Neuve-Ville, il est dans une batterie au Rabaudeau, dans le nord-est des Vosges. Et il raconte l'histoire des passages avant de ça, où là ça va beaucoup canarder cette année-là. On verra avec Janine tout à l'heure, avec son grand-père. Il parle aussi de qu'il entend la... je peux le citer quand même, c'est son journal. Hein, il dit... c'est à la Chapelotte ou dans les coins là, enfin j'ai pas tout vérifié. Il faisait noir, il pleuvait à verse, on entendait, c'était le 6 mars 15 ça, donc on est passé en 15. Il pleuvait à verse, on entendait la fusillade tout près de nous et le canon qui faisait des éclairs, les projecteurs qui nous obligeaient. On aurait dit un terrible orage déchaîné sur nous. Je me suis couché à 2h30 bien fatigué. Nous avions fait environ 40 à 45 km. Donc il racontait vraiment tout, et là c'est un détail de la guerre dans ces coins-là. Il dit aussi, à ce moment-là, c'était un peu plus loin, le 11 avril 15, voilà 3 jours que j'attends des nouvelles de ma victoire, mais je ne reçois rien, j'ai le temps long. La nuit dernière, j'ai rêvé que la guerre était finie, si c'était seulement vrai. Hein, 11 avril 1915, voilà. Voilà, donc, pour lui, alors, je vais faire ces feuilles, là, c'est, voilà, 1915, toujours. Alors, cette fois-ci, passons au vieil Armand, toujours vous, Léon, le vieil Armand, 19, à la fin du Vertop, 19 janvier 15 jusque début 16, hein, donc bataille terrible, la bataille des Vosges, un aspect de la bataille des Vosges. Est-ce que vous parlez de... Vous m'avez dit qu'un de vos oncles avait été tué au vieil Armand. Non. Ah bon, je croyais. Ah bon, je me suis trompé alors. Non, c'est un oncle à ma mère qui était... Ah oui. Alors c'est un demange qui a été tué. Un demange, ça pourrait être d'où? De l'Ouest. De la Bresse, ah oui, c'est ça, vous m'avez dit de la Bresse. Et là, il est certain que, on l'a mis d'ailleurs dans l'extrait du bulletin de la Haute-Moselle, où on parle d'une famille épargnée, les Bitchons, et on dit que c'est grâce mes tantes. À vos tantes, oui. Alors, vous voulez expliquer un petit peu? Les autres, il y en a eu trois des mariés, et c'était une forte religion pieuse, quoi. C'est Émile le Duc qui avait fait un vœu en étant à la guerre de 14, c'était pendant quelques mois. Il a dit, si jamais je m'en sors, eh bien je ferai une grotte à la chapelle de Frère Joseph. Mais il y a une grotte tout près de la chapelle. Et puis il faisait, en entrant la guerre, il faisait un peu le marchand ambulant avec des filets, des trucs comme ça. Puis les gens donnaient des sous, puis bon, c'est comme ça. Puis ses sœurs, Marie-Madeleine et Anna, elles ont fait pris la suite d'être toujours pèlerinage le dernier dimanche de juillet, tous les ans encore maintenant, à l'ermitage de Frère Joseph. Voilà. Et elles disent, dans la famille, les Bitchons, vous dites, on peut dire les Bitchons, hein, vous dites que c'est grâce aux prières des sœurs que Frère Joseph vous a permis de passer au travers de la guerre, alors que les voisins, par exemple les Claudons, du Ménil, c'était au nom des Boudières ou du Ménil, je ne sais pas. Au Ménil, c'était à la classe mûre qu'ils étaient. Oui, oui, et les voisins. Il y en a eu trois qui sont nés là-haut, même quatre. Auguste, Camille et Émile. Le cinquième, c'était mon père, mais il est venu au monde au grand. Et ils disent que c'est grâce à la protection de Frère Joseph que... Il faut y croire pour ça. Oui. Et les Claudons, par contre, c'était les voisins, ils ont tous été, ils sont passés au vieil Armand notamment. Ah non, au vieil Armand, je ne sais pas, les autres, les chevriers Claudons, là. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas vérifier. Et à cette époque-là, pendant la guerre, ils donnaient le nom de famille du père et de la mère. Comme ça, les racines ne partaient pas. Il restait quand même toujours un nom dans la famille. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne suis pas au baptême. Non, en tout cas, ils ont été épargnés, quoi. Voilà. Oui. Et ils ont continué toute la guerre. Alors, votre grand-père, M. Dallam, a été au vieil Armand. Mon grand-père maternel. Maternel, oui, alors passé. Où celui-là, c'est pareil. Vous allez monter un peu. Oui, mon grand-père maternel était, en tant que notaire, officier de réserve, un vieux capitaine, et commandait une compagnie au 95e régiment d'artillerie à Darsman-Virkov. Et il était blessé là. Et il a reçu la Légion d'honneur à cette époque-là. Et avec ma mère, sa fille, j'ai trouvé à Larsmann-Vilarkov une balle qui avait été. Vous voyez, si vous voulez le montrer. Oui, on va la faire circuler. Une balle incrustée dans le bois. Parce que c'était comme le linge. Les tranchées étaient comme de vous et moi. Ah oui, oui. Avec le parvenu, c'était atroce. Oui. Voilà, c'est... On ne sait pas si c'est une balle allemande. On ne peut pas l'identifier. Ça, hein. Ah oui, alors c'est. Ouais. Et vous, monsieur Grosjean, vous m'avez parlé de vieil Armand aussi. Oui, donc je m'appelle Benoît Grosjean, mon grand-père c'était André Boileau, qui est parti en 14, mais il était formé à Besançon, quand c'était en régiment d'infanterie à Besançon, et comme il avait postulé pour être chef de batterie, il a passé des examens supplémentaires, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à Verdun en 15, et donc il a eu une trajectoire assez bref dans le fond, parce que en 15 il était à Verdun, après il est parti sur la Somme, et sur la Somme il était blessé. Il a un cheval qui a été tué sous lui, un cheval qu'il appelait Bauche, c'est ce qu'il me racontait, mon grand-père. Hein, c'est vraiment de deuxième main. Hein. Et le cheval a été tué sous lui et lui a arraché un pied. Et ça faisait l'objet d'une curiosité dans la famille, parce qu'il avait, un pied rond, il avait été amputé sur le champ de bataille, et il avait un pied rond. Ce qui fait qu'il avait des éclats d'obus dedans, alors il était très sensible. Alors ça faisait de la corde et tout, alors il était un peu dur, alors avec son couteau, il trafiquait le bouffe. Et on voyait les éclats d'obus, on le voyait des fois, parce qu'il bougeait dans le moignon. Et alors c'est un moignon très très sensible, et il avait d'abord une chaussure, une espèce de pied d'éléphant. Et puis après, ils lui ont fait une chaussure orthopédique avec un bout en liège. Et il avait droit à, je crois, une chaussure par an, quelque chose comme ça. Mais lui, comme son moignon était très sensible, il le bricolait sans arrêt. Et donc, il le gardait parce qu'il faisait ressemeler, parce qu'il ne voulait pas le changer. En fait, alors, il y avait un bottier qui lui faisait, à Épinal, je crois qu'il fallait qu'il aille, parce que c'était l'armée qui avait organisé tout ça. Ah oui. Et dans une de ses lettres, moi j'ai toutes ces lettres que je vous ai données, enfin je vous avais prêtées, là, j'ai toutes ces lettres de campagne, et dans une de ces lettres, il fait un schéma de la chaussure qu'il va avoir. Alors il a été transféré à La Rochelle, parce que je sais pas, peut-être qu'il y avait des hôpitaux très, très performants là-bas, la marine je crois, et il a été transféré là-bas, il y a des photos aussi, on voit, et après il était à Paris pour se faire appareiller. Et après, il est devenu maire de Fraisse et président des anciens combattants, délégué à la Légion Rougienne au département. Et j'ai amené aussi des photos de... Il était de la classe 14, donc j'ai une photo de la classe 14 de Fraisse qui est intéressante. Si des gens peuvent reconnaître leur aïeul dessus, c'est vraiment très intéressant. Et donc, lui, alors, j'ai relu ses lettres hier soir. Et alors... Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il devait être obsédé par la saucisse et le lard. Parce qu'il demandait toujours de la saucisse et du lard, et chaque fois qu'il recevait, il disait « Oh, vraiment, j'ai l'odeur du pays, etc. La saucisse et du lard. » Il demandait toujours ça. Et dans ses lettres, il ne dit jamais qu'il est au front. Il dit toujours, et c'est presque avec les mêmes mots, les mêmes phrases, il dit toujours « Oh, je suis à l'abri avec les chevaux dans une forêt, il y a des obus qui tombent tout autour, mais ils ne tombent pas dessus. Ils ne tombent pas sur nous. C'est quand même... Et chaque fois, il raconte la même chose. Et chaque fois, il dit, je suis en bonne santé, etc. etc. Et c'est assez amusant, d'une certaine manière. Parce que... Alors, il y a une interruption entre le moment où il était blessé et le moment où il écrit de la recherche. Et... ouais, bon, c'est... Alors, il était blessé parce qu'il était estafette de son colonel en lien avec le général Nivelle. Et donc, il portait les messages, ma foi, des estafettes, quoi. Je suppose que c'est... Il n'en a jamais vraiment parlé à l'époque, quoi. Mais je suppose qu'il devait être très bon cavalier. Je pense que c'est pour ça qu'il était... parce qu'il me racontait qu'il traversait le champ de bataille à toute vitesse. Ah oui. Pour amener les blés. Et donc c'est là qu'un obus est tombé et qu'il a tué son cheval. Ah, c'est en 16 avec en 16, à la Somme, oui, avec Nivelle. Mais en 15, il était à Verdun. En 15 à Verdun. Oui, il était à Verdun, d'ailleurs, il a reçu la croix de Verdun, la croix du combattant, il en avait un paquet, hein, je veux dire, sauf la Légion d'honneur. Ce qui était étonnant, parce qu'il a eu la Légion d'honneur à 80 ans. Ah d'accord. Oui, bon, c'est anecdotique aussi, mais ça veut bien qu'il l'avait oublié quelque part, alors qu'il a fait plein de choses. Quoi. Et oui, alors à la fin, il y a j'ai des photos aussi. Il avait un frère qui était Marcel Boileau, qui lui était adjudant, mais qui est mort au chemin des Dames en 17. Ouais. Mais par contre, lui, il était à l'Hartmann et j'ai amené quelques photos. Il était chasseur alpin, lui. Il était chasseur alpin et alors il y a une photo, notamment on le voit avec des copains, où il raconte, il dit, oh, les Allemands nous tirent dessus, mais on n'a pas, sur la photo, on n'est pas très impressionné. Et effectivement, on voit qu'il pose et il raconte que ça canardait de partout, mais apparemment, il ne se faisait pas trop de soucis. Ils étaient tout fiers comme ça. C'était les Diables Bleus, là, il était. Non, il était. Je sais pas. Oui, parce que. Il était chasseur alpin, lui. Oui, oui, justement. Oui. Et alors, par anecdote aussi, comme il était. Je suis bavard, mais. Ah, ben, c'est bon, vous êtes là pour ça. Hein. Mais comme il était chasseur alpin, j'ai une carte postale de lui, de Briançon. Pourquoi Briançon? Parce que l'armée française avait décidé de doter les militaires qui étaient sur les frontières de ski. Mais il fallait savoir skier, et puis savoir les fabriquer, les skis. Et donc, ils avaient envoyé un détachement de l'armée française en Norvège pour apprendre de l'armée norvégienne comment fabriquer les skis, les techniques de ski. Et donc, quand ces militaires français sont revenus de leur séjour en Norvège, ils sont allés à Briançon, qui était vraiment le... Pourquoi Briançon? Parce que à Briançon, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a toute la chaîne des forts qui défendent la frontière. Bien sûr. Les types comme mon grand-oncle, je pense qu'ils avaient été envoyés à Briançon pour une espèce de stage, si vous voulez, pour apprendre à faire du ski et à fabriquer des skis. Et donc il a pris une carte postale où il raconte ça. Et quand il est revenu, il a appris à ses frères, dont mon grand-père, donc ça c'était avant la guerre, hein, comment fabriquer des skis et comment skier. Ce qui fait que j'ai plein de photos aussi de la famille en train de skier. Et mon grand-père me disait qu'il faisait 5-6 paires par an et par hiver, parce que c'est des skis qui cassaient tout le temps. Quoi. Ah ouais, ouais. Et on a vu hier une photo. Ah oui, oui, on a regardé, oui. Avec des chasseurs alpins à ski, hein, ouais, oui, avec ça. Un seul bâton. Oui, on a vu ça dans la conférence. Dans la conférence hier soir. Oui. Et je trouve ça, c'est amusant comme anecdote aussi. Parce que j'ai des photos aussi des compétitions de ski, parce que de ski des militaires au Ballon d'Alsace. Il y en a plein, ils faisaient des compétitions de ski au Ballon d'Alsace, oui, dans les années 10, juste avant-guerre, quoi. Oui, ben, merci. On peut voir certaines photos là-bas, à l'expo. Mes photos, j'ai tout donné en vrac. Hein. Voilà, oui, on pourra les regarder tout à l'heure. Jojo, je voulais te demander au sujet d'Émile et André Mangel. Qui ont fait le vieillement, je crois qu'ils étaient au Diable Bleu. Le chasseur à ski, ça a été moi qui Alors que tu nous en parles un peu, j'ai tout ce que tu as. Ça a été. Puis qu'ils ont été. Émile a été blessé, je crois. Il y a eu des oncles qui sont partis à la guerre, donc il y avait André et Émile. André a été blessé 3 fois, Émile 2 fois. Oh, ça c'est bon. Et puis alors. Comme pour se remettre, parce qu'il avait eu un éclat qu'il avait traversé, il était parti dans le Midi. Et sa mère, en lui écrivant, lui avait dit « tu me ramèneras de l'eau de Lourdes ». Bon, ben d'accord. Alors quand il a été guéri, il est revenu, il est passé à Lourdes, peut-être, je n'en sais rien. Mais enfin, il lui a ramené quand même une bouteille d'eau, mais qu'il avait pris dans une source, quoi. C'était pas de l'eau lourde, mais enfin. Et elle a conservé cette bouteille-là. Quand elle est décédée, elle avait toujours la bouteille dans le placard. Ah ouais, c'est ce que je voulais te faire dire. Je me l'avais raconté, je trouvais ça extra. Et André, lui, il était blessé aussi. Ah ben oui, André était blessé 3 fois. Bon ben, je ne sais pas si il en est revenu, mais ouais. De toute façon, après la guerre, il est parti en Indochine. Oui, ouais. C'était les Mangel, dire que Émile, je l'ai connu quand j'étais correspondant du journal, et je dois avoir un article de lui où il venait dans les écoles, il racontait le vieil Armand, justement. Voilà. Je pense, Janine, Charles Edmond Parmentier, lui, le fils cette fois-ci, il a eu les pieds gelés, c'était souvent qu'on avait les pieds gelés, Auguste aussi a eu les pieds gelés. Et dites-le voir, est-ce qu'il était au Vieil Armand, lui, je ne sais pas, on ne l'a pas dit, vous ne l'avez pas dit. Je ne sais pas tout. Ce que je sais, c'est ce que ma mère racontait. Ah oui, racontait. Ben oui. Ça veut passé. Bon, ils ont fait la guerre de 14 avec son frère, hein, oui. L'aîné. Oui, oui. Ils s'appelaient comme son père, ils sont, Charles Edmond. Qui sont là, là-bas. Oui, Charles Edmond. Oui. Voilà. Et qui sont oui. Ah oui, oui. Mais l'aîné des garçons est décédé 40 jours avant la fin de la guerre. Ah oui, hein. En 18. Et il avait eu les piégés au début. Oui, justement, il y a une citation, une lettre. Une lettre, il est. Bon, je peux la lire, puisque oui. Je l'ai là. Du 4 juin, on l'a affiché, je crois. Du 4 juin 15, il est à Limoges. Il est hospitalisé à Limoges. Je ne peux poser le pied sur le plancher, car ça coule bien. Il a bien coulé 1 litre d'eau depuis 3 jours. Les médecins me disent que ce n'était que de l'eau que j'avais dans ma jambe qui m'empêchait de guérir. Ce n'est rien de cela. Puis, dans la même lettre, du 14 juin, il parle du fils Kotcher. Jean, qui mourra héroïquement en 18 aussi, en les, un peu avant, un peu avant. Ouais. Et donc, ouais, ça c'est les problèmes de l'Arsène. Donc, il raconte que, bah, que le fils Potcher vient de s'engager. Oui, et vous m'avez dit, vous disiez aussi quand il venait à la maison, ça c'est un côté, on va raconter ça. Ma grand-mère lui faisait déshabiller dans la fontaine parce qu'ils étaient couverts de vermine. Ouais. Il y avait des petits enfants, hein, il y en avait plein. Ouais. C'était donc. Mais là, dans les lettres de mon grand-père aussi, souvent il demande de la, du produit pour lutter contre les totos. Parce que c'était une. Et mon grand-père me racontait que dans le, il avait un pantalon, avec un. Je ne sais pas comment on appelle ça, une ganse comme ça, sur le côté, et que les totos se mettaient là-dedans, et que c'était une catastrophe. Alors régulièrement dans ses lettres, il dit qu'il fait bouillir tout ça, parce que c'est le seul moyen de les éliminer, et il demande de la poudre. Alors je ne sais pas ce que c'est, du DDT, ou je ne sais pas, quelle poudre il mettait, mais que c'était une obsession, parce que c'était une catastrophe, hein, au niveau hygiène, au niveau. Ça démangeait, j'imagine que c'était infesté. Quand ils partaient pas, ils n'avaient pas toujours l'occasion de laver leur linge. Donc j'imagine que c'était. Ça devait les démanger, quoi. Oui, il devait avoir la main des gros. Ben, je sais pas ce que c'est. Jean Potcher le raconte dans ses lettres à son père. Oui, une question. Monsieur Philippe Chrétien de la Bresse. Oui. Ben, je voudrais savoir si les forts ont servi pendant la guerre de 14-18, le fort du Parmont, le fort de Rue, le fort de sa. Bah, moi, à ma connaissance, non, pas vraiment, non. Si quelqu'un veut répondre à ma place, non, les forts n'ont pas. Ben, quelqu'un les troupes en repos. Les troupes qui étaient en repos allaient se reposer dans les fours. Oui, oui, voilà. Oui, oui, c'est ça. Dans des pinacles. Oui, oui, oui, c'est ben, comme Château Lambert, comme le Parmont, effectivement. Ouais. Ouais. On est en 1915. Ben oui, on est en 15, on peut y aller. Une anecdote. Pardon. Une anecdote humoristique. Mon père était à ce moment-là avant d'aller à Saint-Cyr. Était deuxième classe, avant embauché l'eau. Et il avait un de ses oncles qui était le général Lafont. Et un jour, le général a bien inspecté son régiment et il avait invité mon père à déjeuner. Et à la fin du repas, les généraux à ce moment-là avaient une voiture, une berline décapotable, et pour porter par le. Il faisait mauvais. Ils avaient tous une police, n'est-ce pas, les généraux. Et mon père, voulant être aimable, dit à mon oncle, mon général, comment va ma tante? Et lui, un peu sourd, pensant qu'on parlait de sa peau de bique, il dit, oh, elle est vieille, elle pue, elle est sale, elle perd tous ses poils, mais elle me tient bien chaud. J'ai maintenant vous dire que les officiers d'état-major qui étaient là, ont compris. Ben tiens, gardez le micro, Henri, parce que on va, René dit toujours Henri, c'est son père. On va parler justement de Henri. Vous m'aviez dit, il a fait aussi il a fait le linge et le vieil Armand. Hein? Oui, certainement. Je ne sais pas exactement, mais enfin, il en a parlé pas mal. Je crois même qu'il a rencontré des gens de Fraisse. qui était là aussi, qui faisait partie du 15-2. Il en parlait souvent du vieillard, non, souvent qu'il y a battu aussi, mais il a surtout aidé au linge. Oui, c'est ça, c'est là qu'il y a le plus gros souvenir. Oui. On va en parler justement, le linge, donc... Il était spécialisé, c'était pour les attaques à l'assaut, prendre les blocoses à l'assaut. Ouais. Il en a fait plusieurs. Il était également dans la base 830 qui avait énormément d'Allemands. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas 1200 Allemands dans cette base-là. Et elle était soi-disant imprenable. Je crois qu'il y avait une quinzaine de mitrailleuses qui étaient dissimulées dans les combles tout autour. Et pour prendre une forteresse comme ça, ils mettaient 2 mois s'il fallait pour repérer toutes les mitrailleuses. Et puis calculer comment il fallait faire pour neutraliser toutes les mitrailleuses. Neutraliser les sentinelles, il y avait des sentinelles à toutes les mitrailleuses, il y avait des sentinelles tout autour du blocos, et il fallait les neutraliser sans tirer, sans faire de bruit. Parce que dès que... Dès qu'ils entendaient un coup de fusil, ça éveillait toute la troupe, et puis l'affaire échouait. Alors les sentinelles étaient gorgées toutes l'une après l'autre. Ah ouais. Et puis après, ils fonçaient à la baïonnette. Et il fallait qu'ils repèrent même le mot de passe. Tous les jours, ils changeaient le mot de passe. Alors il y avait des mouchards qui étaient spécialisés pour. Qui connaissaient l'allemand, spécialisé pour connaître le mot de passe. Ah, des Allemands, oui, pour entrer dans les bunkers. Et la base 830 a été prise une fois. Il y a eu 100 prisonniers. Parce qu'ils ont été pris. Et dans une tentative, des soldats avaient remarqué que tous les fusils, les Allemands, c'était des gens qui étaient disciplinés, qui avaient de l'ordre. Tous les fusils étaient rangés dans les râteliers. Et puis les gars, ils étaient couchés, forcément. C'était un truc imprenable, ils risquaient rien. Mais sitôt qu'ils ont arrivé, ils ont foncé sur les râteliers pour que personne ne puisse... Et puis eux, à baïonnette au canon. Ah ouais. Et c'était pas les chasseurs à pied, en principe. Ils étaient tous armés du fusil gras. C'était un grand fusil avec un sabre de 60 cm, peut-être plus. Et puis, c'était des fusils à un coup. Mon père, il disait, on avait l'air fin. Eux, ils avaient déjà des fusils automatiques. Nous, on se pointait devant eux avec un fusil à un coup. Si on tirait la balle, il fallait aller ouvrir la cartouchière, chercher la balle et puis recharger le fusil. Ça leur faisait beaucoup attendre. Alors on aimait mieux ne pas s'en servir que de décharger le fusil. Et tant que leur fusil n'était pas déchargé, ils se sentaient en sécurité. Ouais. Mais ils avaient les fusils gras parce que c'était les spécialistes pour les corps à corps. Ouais. La bataille à la baïonnette. Hein. Autrement, le chasseur à cheval, lui, il avait le mousqueton, le fantassin avait le lebel. Ils avaient tous leur arme. Et alors, c'est au linge, en descendant du linge, que vous me racontez cette histoire émouvante de l'enfant que votre père a sauvé. Ah, ça, c'est vraiment émouvant, ça. Ah oui, ben il descendait en repos, après ça, il montait pour 24 heures, je ne sais pas combien de temps, il montait en ligne. Et puis quand il descendait en repos, Ben, les Allemands repéraient toujours, même s'ils changeaient les heures, l'itinéraire, tout ça. C'est pareil, les Français avaient des boussards, mais eux avaient des boussards aussi. Des gens, alors, dès qu'ils voyaient l'équipe qui redescendait du front, ben, les canardaient, ils leur envoyaient les... Comment je t'appelais ça? Les petits obus 75. Les canardaient avec les petits obus 75. Et puis alors, un jour, mon père descendait avec son équipe. Ils ont été canardés. Il y a une bonne femme qui s'est trouvée là avec un gosse dans les bras. Ils sont tous couchés par terre. Quand il s'est relevé, il y avait une bonne femme, elle était à genoux, avec un gosse dans les bras. Elle est arrivée encore à se mettre debout. Elle l'a pris le gosse, elle l'a foutu dans les bras de mon père. Et elle l'a dit, vous vous en occuperez. Elle s'est affalée par terre. Il s'est baissé pour lui demander comment s'appelait le gosse. Mais elle n'a plus rien dit, il a fermé les yeux de la mère. Il est redescendu. Au quartier, parfois. Ah oui. Alors, il aurait bien voulu savoir les suites, ce qui était devenu le gosse, tout ça. Malheureusement, le coup d'après, quand il a descendu, je ne sais pas si c'était le coup d'après ou une autre fois, deux ou trois fois après, mais presque dans les mêmes moments, c'est lui qui a été touché. Il a été gravement blessé. Il avait le fond du ventre déchiré, le haut de la hanche abîmé, un rein parti par un éclat d'obus. Et puis, l'officier qui était avec eux, il y a eu une petite erreur de ma part. Là. Ah oui, d'accord. L'officier, c'était monsieur de la Capelle. Ah d'accord. Et puis, mon père, il l'appelait toujours la gamelle. Ah, c'est pour ça. C'était monsieur de la Capelle. Ah, la gamelle, je n'ai pas trouvé le général Gamelle. De la Capelle, oui. D'accord. Oui. Alors, il était très bien, il l'avait déjà, il le connaissait déjà depuis le monde fauche, depuis qu'il était assez grand. Alors, il s'est levé, quand il a été tous relevés, il lui dit ces troupes-là, il les compte, ah, il manque le caporal, il faut le rechercher. Le nord ne s'en passe sans l'avoir retrouvé. Mais ils l'ont retrouvé, mais parfois il avait des boyaux à l'air. Donc ben, il a dit, si on attend les braquages, il sera mort avant. Il faut le redescendre comme ça. Alors, ils ont fait un brancard comme ils l'ont descendu. Il a été soigné. Je ne sais pas trop où, j'ai ramené les premiers soins, puis après, il a dû aller un peu à Paris, mais je ne sais pas si c'est avant de partir ou après, je ne sais plus. Je ne sais pas trop. Il y a des trucs qui sont plutôt vagues parce que ben, oui. J'avais 16 ans quand mon père est mort, et tout ça, c'est des histoires qu'il me racontait quand. On était jeunes, hein. Oui. Des choses que j'ai oubliées, que je situe mal. Là. Son officier a été voir, mais lui a dit ben pour toi, la guerre, elle est finie. Oh, il a dit elle est finie, et puis les copains, ils sont pour là-haut. Je n'accepte pas d'être informé. Bon, parfois, il lui a dit tu verras ça, c'est pas avec moi que tu veux voir ça. Et puis, il a refusé d'être informé, mais il l'a envoyé en Afrique. Ils lui ont dit tu ne retourneras plus au front. Il a été achevé d'être soigné en Afrique, il a été en convalescence en Afrique. Et puis il a continué. Il a revenu qu'en 19, 20 ans. Et Et en fait, il a été blessé déjà deux fois au linge. Il a été blessé deux fois, plusieurs fois. Hein. Mais la première fois qu'il a été blessé, il avait pris un coup de sabre dans un mollet. Et le sang, il coulait par la bande entière. Hein. Mais il ne le sentait même pas. Alors l'officier lui a dit, repars en arrière, tu es blessé, il va te faire soigner. Ah, il dit, je n'arrêterai pas quand les autres arrêteront. Je continue, c'est pas fatigué. Et c'était il était blessé, il y a une citation, hein. Oui, blessé à continuer à se battre avec une absolue insouciance du danger. Ça c'était en septembre 15, hein, la citation. Oui. Et la deuxième, eh ben, c'est en 16, le 6 août 16. En 16, il était croyant moyennement, quoi. Mais il avait fait vœu d'aller à la messe au Rameau parce que l'accident avec le bébé, là, oui, c'est ça. C'était le dimanche des Rameaux. Et il a fait vœu d'aller à la messe tous les ans au Rameau. Et il allait à la messe tous les ans au Rameau. C'était comme ça, dans la vie comme ça. Mon père, bien souvent, il descendait, on habitait très haut dans la colline, il descendait guère que pour aller toucher sa retraite militaire, sa pension de guerre. Il descendait pas souvent. Mais quand il descendait, il mettait deux jours. Mais le dimanche des Rameaux, quand il allait à la messe, il était rentré de bonheur. Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'il n'y a plus de personne de la colline qui peut me certifier ça. Ah ouais. On en aura un pot peut-être. Un juillet, hein, du 14-18. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, toujours en 15, cette fois-ci, c'est au banc de ça. C'est le 8 juillet 15, je crois, enfin en juillet 15 en tout cas, le fameux combat de la Fontenelle, dans le Sein, où le grand-père de Jeannine va donc périr, et il y a sa photo qui se trouve là, en garde impériale allemand. Voilà. Attends, je vous passe le micro. Voilà. Vas-y. Moi j'ai un grand-oncle qui est parti à la mobilisation. Alors il n'y a pas grande histoire, alors je vais voter sur lui. On n'a jamais eu de nouvelles. Il est parti le jour de la mobilisation, fini. Plus de nouvelles. Le frère de l'oncle de ma mère. Jamais. Il a dû être tué, je ne sais pas qu'il est, peut-être sous l'Arc de Triomphe, je ne sais pas. Mais c'est quand même drôle, hein. Alors lui, il n'a pas d'histoire. Pas du tout de nouvelles, rien. Alors l'autre histoire, c'est beaucoup plus sérieux. Mais ça, c'est un peu spécial. Il s'agit du grand-père. De mon épouse. Il est né en 1880, dans l'Alsace annexée, au bord du Rhin, dans un village. Il a été incorporé en 1914 sous l'uniforme allemand, naturellement, puisqu'il était né allemand en 1880. Il était né allemand. En 14, il avait 34 ans, il était allemand. Il est parti au service militaire. Il venait d'acheter. Il était marié, il avait trois enfants, un de 4 ans, un de 2 ans et une gamine de 10 ans. Et il venait d'acheter un bistrot épicerie. Parti dans l'armée allemande, bien entendu. Alors là, il écrivait tous les jours à sa femme pour lui dire, d'abord, il lui disait, tu devrais m'écrire un peu plus souvent, parce que la pauvre, elle n'avait pas beaucoup de temps, hein, avec trois gosses et puis son petit commerce, elle avait un mal fou. Et puis il s'inquiétait quand même aussi pour elle, hein. Il savait bien qu'elle était toute seule avec ses trois gosses. Alors il y a eu un moment, Vincent pourrait peut-être me renseigner, comme il est historien, encore meilleur que moi. Ouf. Le 20 mai 15, il pensait avoir une permission, oui. Mais sa permission lui a été refusée, reportée. Il dit dans sa lettre, à cause de la crise italienne. Ah. C'est pas le moment où l'Italie est entrée en guerre? Ah, ah si, peut-être, peut-être. Il faudrait à vérifier. Mais... Ah. Mais j'ai vu sur la carte dans, oui. Là-bas, au fond, à ce moment-là. J'ai bien mis mai 15. Oui, mais c'est, il me semble bien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. L'Italie entre en guerre. Alors, c'était pour ça qu'il a eu. On ne l'a pas refusé parce que les Allemands avaient la trouille. Là. Les Italiens, ils entraient encore du côté, en face d'eux. Alors, lui, là, il écrivait souvent. Il était. Je ne sais pas dans quel régiment. Toujours est-il que j'écrivais à sa femme, il a envoyé les cartes postales de Senon, les cartes postales de Senon, puisqu'il était au Bamsap. Il a été tué, donc il a envoyé une lettre avec le Brandmuguet dans sa lettre. On a une lettre en allemand, là. On a deux lettres en allemand, là. Sa dernière lettre, elle date du 16 mai, du 16 juillet. Voilà. Elle a été tuée. Je ne sais pas quoi je vais dire, sinon que, qu'il soit. Naturellement, c'était un Allemand, il ne savait pas le français. Qu'est-ce que vous voulez c'est, moi, je trouve que c'est intéressant de connaître une histoire comme celle-là, oui. Parce que ça prouve que la guerre est une saloperie, et puis c'est tout pour tout le monde. Oui. Parce que des deux côtés, ça ne devait pas être marrant non plus pour lui. Bon, il était Allemand, certes, il s'est battu. J'espère qu'il n'a pas tué trop de Français. Oui, il a envoyé du muguet à sa femme, et sa femme, elle avait du mal à. Elle était habituée. Oui. Alors, elle avait un homme. Elle avait un... C'est toujours pareil, elle en avait des deux côtés qui se battaient. Hein. Et à Béziers, il y a un monument aux morts, oui. Où il y a les deux, quoi, il y a les deux côtés. Ah oui. Les victimes bitsuverinoises. Béziers, oui. Dans le 67, oui. Alors on peut dire que lui, il n'est pas mort pour la France. Il est mort au champ d'honneur, mais il n'est pas mort pour la France. Enfin, il y avait un Bisvillers, enfin ce Bisvillers, Bisvillers de 67, le barin, oui. Il y a 129. Celui qui ne comprendrait pas ça, ça serait un imbécile, hein. Il y en a 129 là-bas qui sont morts sous l'uniforme allemand et 23 sous l'uniforme français. Et tu peux dire aussi que son fils est devenu inspecteur d'académie d'Evreuse par la suite. Oui. C'est pour le destin, ça, c'est tous les destins qui se croisent comme ça. Et comment ça se fait, Brisson? Lors de la dernière permission, il a pu dire à sa femme que c'était horrible, quoi, qu'il ne reviendrait peut-être pas. Et elle avait des dépendances, elle avait une grange, elle lui avait aménagé un endroit. Elle dit, t'as qu'à te cacher là, et t'as qu'à pas repartir. Hein. Mais il dit, si j'y retourne pas, je suis déserteur et je me ferai fusiller. Il n'a pas voulu, il s'est dégonflé, quoi, il n'a pas voulu y retourner. Mort pour mort, il aurait été mort de toute façon. Bon, il est mort un peu plus tard. Hier, j'en ai parlé un peu avec Fonbaron. Son cas l'intéresse parce qu'il travaille sur la bataille de Bandesart. Et il m'a dit que l'uniforme, enfin, il n'a pas vu la photo, il n'a pas pu venir ici, mais il m'a dit que l'uniforme de garde impériale, ça devait être d'avant. Qui prenait des gens de haute taille. C'était du temps avant la guerre, ça. Oui, oui. Du temps de son service militaire, un petit peu. Service du temps militaire. De son service militaire, oui. D'accord. Il était dans la garde impériale, c'était un bel homme, grand. Ah, c'est ça, oui. C'est la photo qu'on voit là-bas. C'est la photo qu'on voit, on le voit avec une carte postale aussi. Oui, c'est un allemand, hein, attention. Allemande, qui. Voilà. Qui dit. Elle dit quoi, la carte postale? Je n'ai pas su traduire. Être allemand, c'est être fidèle. Ah oui, d'accord. Allemand, c'est être fidèle. Il tient une femme dans ses bras. Il dit, être allemand, c'est être fidèle. C'est peut-être qu'il pensait que les Français n'étaient pas fidèles, j'en sais rien. Il y a peut-être d'autres cas comme ça. Troyes. Mais enfin, c'était quand même malheureux. La grand-mère s'est bien débrouillée. Elle avait trois gosses, un petit commerce. Elle n'avait que des dettes. Hein. Elle n'avait que des dettes. Il venait d'acheter le petit commerce là. Oui. Elle a bossé. Puis c'est alors tout. Comme il écrivait tous les jours, il arrivait un moment où elle ne recevait plus de lettres. Ah, elle n'avait plus de nouvelles. Et il a fallu qu'elle écrive à Berlin, parfois le siège, pour avoir de ses nouvelles. Alors je ne sais pas exactement quand elle a appris qu'il était mort, mais il est arrivé après la guerre, on lui a proposé de lui restituer le corps. Et comme elle a appris qu'en fait ils étaient trois dans une tranchée. Il ne restait plus que les os, trois dans la même tranchée. Mmh. Elle a dit. C'est pas la peine de m'envoyer un paquet d'os. Vaut mieux laisser le à Senon, Comme ça, quand on va au cimetière à Senon, on sait qu'il est là. Là, ou là, ou là. Il a enterré au cimetière allemand de Senon. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Ma femme qui est alsacienne a des grands-oncles qui ont été. Qui eux sont. Alors il y en a un qui était volontaire dans l'armée, enfin qui était convoqué par l'armée allemande, et l'autre, pour éviter d'aller dans l'armée allemande, il est devenu légionnaire. Ah oui. Et il s'est engagé dans la Légion, qui était une manière, un biais pour pouvoir rentrer dans l'armée française. Or, il se trouve que, pour éviter qu'ils se trouvent face à face dans des familles comme ça, ils les ont envoyés en Crimée, les deux, aussi bien l'armée française que l'armée allemande. Ce qui fait qu'en revenant de la guerre, ils ont été survivants. Quand ils se sont rencontrés, retrouvés, ils ont constaté qu'en fait, à force de vouloir éviter qu'ils se trouvent face à face, ils ont été effectivement face à face. Ah, c'est étrange, oui, ça. Et puis je voulais dire juste, j'ai un frère de mon grand-père, l'oncle Henri, le père d'Agathe, que vous connaissez, Agathe Boileau. Oui, Agathe. Oui, son père, donc, était prisonnier très tôt, et lui, il a passé quasiment 4 ans à Ingolstadt, en Bavière. Ah, d'accord. On a toutes ces lettres-là, et lui, il a eu un poste privilégié, me semble-t-il, mais Agathe le confirmera peut-être, parce qu'il parlait allemand, il avait appris l'allemand à l'école, il était prévu pour qu'il fasse une école d'ingénieur, c'est quelqu'un qui était très instruit. Qui a été doué pour les études, et donc il s'est retrouvé à Ingolstadt. C'est lui qui a fait toute une série de dessins, je ne sais pas si vous les avez vus, sur les camps. Vous les avez vus? Hein, c'est vraiment, il était... Ah oui, oui, oui. Il a fait... Ils sont là. Oui, et donc il était à Ingolstadt, et il me semble que c'est le camp de prisonniers où était De Gaulle. Me semble-t-il, à vérifier. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait. Il était 6. De Gaulle ? Oui, oui. Ah bon, en tout cas, il a dit. Parce qu'après coup, on a dit, ah ben oui, il a été dans le même camp que De Gaulle. Ben, dit toi de gloire comme un autre. Voilà. Et donc il a été blessé, et c'est des copains, lui, dans sa lettre, il dit, je remercie les copains à tel et tel qui étaient sur le champ de bataille, qui l'ont ramené sur le champ de bataille. Ouais. Et je veux encore dire un truc, vas-y. C'est que mon grand-père, quand c'est. Donc il avait l'obsession de la saucisse et du lard, ça se dit, mais il avait aussi. Il ne pouvait pas croiser un régiment. Ça a essayé de trouver des nouvelles de ses frères, bien sûr, mais aussi des gens du pays. Et dans ses lettres, il dit, oh, j'ai rencontré un tel du Ménil, un tel de... Tu sais, c'est le frère de... Alors, des gars de la vallée. Et il, sans arrêt, il questionne tous les gens qu'il trouve. Il dit, j'ai rencontré, un tel de Mange. J'ai rencontré, on a pu passer 2 heures ensemble pour échanger des nouvelles du pays. J'ai l'impression qu'il aussi, ça leur permettait de... Oui, de le resituer, oui. Et puis de donner des nouvelles aux uns ou aux autres, aux familles. Ah oui, Auguste Valdener, on le dit beaucoup aussi d'ailleurs. Il parle beaucoup des... On a eu des nouvelles de... Ouais, d'un tel. Ouais, ouais. C'était important pour eux. Oui, et chaque fois qu'ils croisaient un régiment, ouais, dont ils connaissaient un peu la provenance, ou qu'ils savaient qu'il y avait un gars du pays qui était dedans, systématiquement, ils demandaient si... Ah, tu connais un tel, tu n'as pas vu, qu'est-ce qu'il devient, etc., etc. Ouais. Tiens, ce sujet de, on parlait de la Crimée, le père de Jojo, lui, il a été aux Dardanelles. Alors, il y a eu des, c'était vraiment là, il y a des terrains assez lointains. Là. Juste dire un petit mot, Jojo, d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de la Légion. J'avais aussi un oncle, moi, de Guelphiller, qui était Rubrecht, qui s'appelait, et lui, il s'est engagé dans la Légion étrangère aussi. Et ça me rappelle ça. Et donc, Jojo, ton père, il était aux Dardanelles, lui, dans la marine. C'était à partir de Riquin. J'étais engagé, parce que normalement il était de la classe 18, mais comme il travaillait à Paris, il s'est engagé et il était dans la marine. Il était jusque en Russie, à Odessa, tout ça. L'Égypte, il a été un petit peu partout. Il était même, il avait une médaille, mais il n'a jamais porté parce qu'il fallait l'acheter. Oui, c'est ça. Oui, il n'achète pas. Mais les Dardanelles, ça a été plutôt un échec des Alliés. Hein. Et les Ottomans, c'était l'Empire turc, qui ont bien résisté. Mais tu as parlé de l'Égypte, et j'ai demandé à Fond Baron hier comment ça se faisait qu'il y avait un corps en Égypte. C'était surtout les Anglais. Mais il paraît que la marine y était pour le canal de Suez. Ce que tu m'as dit. J'ai encore des tableaux avec le bateau qui était en Égypte, c'est marqué « Souvenir off Égypte ». Ah, oui. Alors, c'est tout ce que je peux dire, moi, en anglais. Oui, mais enfin, ça nous éclaire toujours sur des destins qui vont nous porter l'autre. On va... Oui, parce qu'il n'y a pas que les Vosges. Hein, oui, mais c'est ça. C'était, il y a eu, on a eu un mort l'année-là, il y a une affiche sur un mort de Salonique également. On va continuer avec 1916, on arrive à 16, on finira par arriver à 18 quand même. 1916, oui, je crois que... Bon, on a Verdun, bien sûr, et on a... Oui, on peut y aller sur 16. Allez-y, monsieur Delap. Oui. C'est une anecdote sur 1915-1916. Est-ce que vous rappelez le souvenir de ce film qui s'appelait La Grande Illusion, Jean Renoir? Ah oui. Vous racontez l'histoire du capitaine de Boisdieu et de Stauffenberg, l'Allemand. Eh bien, j'avais un de mes oncles, près de mon frère, qui était Saint-Cyrien, la promotion des Gomblons, ceux qui avaient juré de pas aller à la première attaque avec des Gomblons. Bon, et mon grand-père, comme tout officier de cavalerie de cette époque, est parti dans l'aviation. Il est monté très rapidement, il a commandé une escadrille. Et pour montrer à cette époque-là, la classe, l'allure, lorsque un pilote français descendait un Allemand et inversement. Il était de tradition que le pilote, s'il n'avait pas été tué, Allemand, vienne aux messes des officiers pour se présenter et déjeuner. Et mon oncle a reçu donc un officier allemand qui avait été descendu. Et dans ce messe des officiers, il y avait des rince-doigts. Et le sergent allemand ne savait pas très bien ce que c'était. À un moment, il prend le rince-doigt et commence à boire, croyant que c'était du coup de... Et le petit sous-lieutenant n'a pas voir quel con, quel imbécile. Et mon oncle, voyant ça, s'est levé et dit, messieurs, s'il vous plaît, buvons à la politesse et à la courtoisie française, et du sec. Il a vidé son vin. C'est de la classe. Voilà. Ben, tenez, restez au micro, parce qu'on va parler, on arrive en 16, on a déjà parlé de 16 avec le linge, Henri qui a été blessé en 16, le 20 juillet 16 même, sa grosse blessure, hein. Et puis on pourrait parler aussi d'Auguste, qui lui avait fait ses classes à cheval, et puis il racontait aussi qu'il avait des nouvelles des Russes, qui faisaient beaucoup de prisonniers. Voilà, Auguste Valdelaire, dans son journal, il y a beaucoup de choses. Les Russes étaient, paraît-il, faisaient un tas de prisonniers, 500 000 prisonniers, il dit, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'il dit, lui, dans son journal de 1916, où il était dans la région de Saint-Dié, lui. Dans la famille, il n'y a pas de menteur. D'accord, donc c'est, ça va être ça. Comme vous parliez tout à l'heure de nouvelles, de trancher à l'autre, n'importe quoi. Ben, mon père était cristaux d'officier, il était dans un petit bled, je ne sais pas. Et là, il s'en sort pour avoir des nouvelles. Son frère, Louis, s'est engagé dans l'armée pour aller à la guerre avec ses frères. Ah oui, c'était Louis le dernier. Non, oui, c'est le dernier qui était engagé. Qui est sur la photo là-bas, on le voit. Ben voilà. Oui, ben c'est ça. Alors, monsieur Delame, vous pourrez parler donc de Charles qui a été blessé à Verdun, justement. Alors Verdun, ça commence donc en février 16. C'était le plus gros moment de la bataille de Verdun à ce moment-là. Et il était au fort de Saint-Michel. Ah, je vous passe le micro. Oui, mon père, donc, après cette histoire de la baïonnette, a fait ceci, comme officier de réserve, comme élève officier de réserve, et après, il est retourné dans son ancien régiment, ce qui est rare. Et il s'est trouvé à Verdun, au fort Saint-Michel. C'était un petit fort par rapport au fort de Vaux ou de Douaumont. Et donc, il était responsable d'une compagnie de mitrailleuses. Et il m'a montré sur le terrain l'endroit où il avait été, ou tout ça. Et il a trouvé encore des bandes de mitrailleuses de la de sa section. Et C'est l'Arsène. Oui, bon, et alors, il a raconté cette anecdote qui est marquée là, c'est que avec il y avait une attaque allemande, et avec des obus, tout plein d'obus, de toutes sortes de choses, et tout d'un coup, il a senti une odeur de moutarde, de gaz hyperite. Il a crié à toute sa compagnie, vivement, plantez-vous, mettez vos masques gaz. Il a surveillé avec son adjoint, son lieutenant, que tout le monde avait bien mis son masque gaz. Et lui et son lieutenant l'ont mis au dernier moment. Et tout d'un coup, le sous-lieutenant lui dit, mon lieutenant, je suffoque. Je ne peux plus, je vois plus clair, j'ai envie de vomir. Et il est tombé mort. Et mon père me dit, à ce moment, j'ai senti aussi que je suffoquais, que j'avais envie de vomir, que je voyais plus clair. J'ai dit, ça y est, ça va être mon tour. Il s'est précipité, plongé dans un trou d'obus. Le lieutenant est mort et lui n'est pas mort. Pourquoi ? Ça va. Mais dans le trou d'obus dans lequel il est tombé, il y avait un résidu de gaz hyperite liquide. Et lorsqu'il est plongé dedans, toute sa cuisse droite était complètement brûlée. Et toute sa vie, il se grattait tout le temps, et il était brûlé complètement. Et à la suite de ça, bon, c'est fini. Mais il se demande pourquoi il en est sorti. Et c'est à la suite de ça et autre chose, autre blessure, qu'il a reçu sa croix de guerre du général Pétain à cette époque. Voilà, désolé, il m'a montré ça sur le terrain. Ça, c'était beau pour moi. Et alors, un de ses amis qui a fait les dessins qui sont là est mort, lui, à Verdun, en 2016. Jacques de Riol, c'est ça. Monsieur Verdun, vous avez sûrement... Oui, moi, je... Bien sûr. Donc, mon grand-père était artilleur, et donc après Besançon, il est parti à Verdun. Alors, il raconte Verdun, mais encore une fois, avec des mots... il craint jamais rien. Il est toujours dans des endroits où... Ça canarde beaucoup, mais lui, non, il a l'abri, il n'y a pas de souci, d'une part. Et puis d'autre part, alors une anecdote de petit-fils, hein, quand j'étais gamin, avec mes parents, on habitait à Saint-Mihiel, dans la Meuse, et que quand mon grand-père venait, on allait souvent sur le champ de bataille, je connais d'où mon parcours, en allant à l'argent travail. Et il m'a amené plusieurs fois à un endroit qu'on appelle les Chambrettes. Les Chambrettes, ça se voit sur le plan de la bataille de Verdun, quoi. Et il m'avait raconté que ils étaient en position avec les canons, et tout d'un coup, il y a eu une offensive allemande soudaine, les Allemands arrivaient, alors ils ont fait qu'une chose, les gars, ils étaient en train de casser la côte, ils ont tout laissé sur place, ils sont montés sur les chevaux, et puis ils sont partis en arrière, parce que, alors ils ont laissé tout sur place, et mon grand-père aussi, j'étais en train de manger dans ma gamelle, et on était retourné avec lui, il m'a montré l'endroit, aux Chambrettes, là. Et quand j'étais gamin, j'ai dit, allez, grand-père, on va chercher ta gamelle. Mais il racontait qu'ils ont eu chaud parce que les Allemands arrivaient, ils n'avaient rien vu venir, et ils sont tous partis. Alors, ils avaient les chevaux, donc eux, ils... Parce que dans l'artillerie, mon grand-père me disait, enfin, il racontait que une des préoccupations, c'était les chevaux. Hein. Les chevaux à tout prix, parce qu'ils avaient des liens, j'imagine, particuliers avec les chevaux, ils les connaissaient bien. Et donc il fallait les penser, on parlait hier du ravitaillement, hein, et de l'eau notamment. Ils passaient leur temps à penser les chevaux, à leur donner à manger et à boire surtout. C'était vraiment, vraiment. Et puis de les ferrer. Hein. Alors je ne sais pas, voilà, donc c'est une petite anecdote de gamin, hein, mais je vois encore le lieu, les Chambrettes, là. Maintenant c'est bouleversé, je suis retourné il n'y a pas longtemps, on ne voit plus rien. À Verdun, parce que tellement la végétation a poussé, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien voir. On voit un petit peu des mouvements de terrain, mais on ne voit plus rien. Venez. On en est en 1916, on a pas tout à fait fini. Bon, ça dépend, on a peut-être quand même le plus gros des anecdotes, on en a eu pas mal sur 15, sur 16 aussi. En 16, c'est aussi la bataille de la Somme. Je sais que les frères Radonnet y étaient. Hein. Oui, mon père y a été, bien sûr. Tu fais les gestes, lui. Il avait un rouleur, parce qu'il m'a fait que ça. Il allait faire la soupe partout. Il rentrait même. Des fois, quand il tombait un homme tout près, il y avait plus de porc là-dessous de la soupe que de sel et tout. Hein. Ah. Ouais. Poussière de la cabane, quoi. Ouais. Oui, et donc il a fait la somme jusque fin 16. Oh, je ne sais pas. Oui, à peu près, quoi, oui. Oui, peut-être. Je vais dire oui. Oui. Non, mais je t'ai dit, moi. Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, alors là, bon, là, ce qui est intéressant, c'est Jean-Paul Cher qui l'a raconté un petit peu, il a fait la somme aussi. Il a un dialogue avec un Allemand en anglais. Alors ça, on va passer donc à 17. On commence à s'approcher de, non pas de la fin de la guerre, mais bientôt. Là, également, ah ben, M. Grosjean est parti. Ah bon? Ah bon, d'accord. Bon, parce que lui-même, il a eu quelqu'un de sa famille, Marcel Boileau, je crois, qui est mort au Chemin des Dames, il a dit tout à l'heure, en avril 17. Il y avait Ninon aussi, qui n'est pas venu, qui devait témoigner sur Verdun, sur la Somme, sur tout ça. Bon, on le verra pour l'année prochaine. En 17, et à partir de 17, on va revenir un peu à Henri, hein, qui est au Maroc, voir un petit peu ce qu'il faisait. J'en ai parlé un petit peu avec Franck Baron, c'est les histoires de la guerre au Maroc. Il y avait quand même de la guerre, c'était des escarmouches. Alors on va parler un peu du Maroc. Il en parlait très peu du Maroc. De guerre, de ce qu'il faisait. Il n'a pas combattu tout de suite puisqu'il était en convalescence. Il a été un moment en convalescence et puis après quand il a pris son service normal, ben, il montait la garde. Il était de garde, je ne sais pas où, à l'hôpital, je ne sais pas où. Alors, ça a été un petit peu, mais il s'en est vite lassé. Il disait, on avait le fusil tout le temps sur l'épaule, et puis lui, comme il avait été blessé, que c'était un coup, il avait une énorme blessure, et ça montait en haut le dos, là, ça n'était pas belle, sa blessure. On voyait encore les cicatrices. Alors, se balader le grand des jours, faire la montée la garde avec le fusil, ça ne lui plaisait pas. Et il a été trouver ses officiers, il a dit je vais au combat avec les autres. Me récupérer pour faire la garde, je vais autant marcher un peu que de me balader avec un fusil tout le reste de la journée, c'est trop beau pour moi. Enfin. Et puis ma foi, il a terminé comme ça, mais je ne sais pas le temps qu'il avait été en convalescence, et puis le temps qu'il a été de garde, et puis ce qu'il a fait, il en parlait très peu hein, du Maroc. Parce que... Il parlait plutôt du linge, du combat de là-haut. Que... Parce que, tout le temps, hier j'en ai parlé un peu à Franck Baron, le conférencier, qui m'a dit que bah, il y avait constamment, le Maroc était à peine français, quoi, depuis le protectorat a commencé en 12, bon, ça commençait un peu avant, mais il y avait des escarmouches tout le temps, menées par les Turcs et par plus ou moins les Allemands en sous-main, et il dit même que, selon Franck Baron, qu'il y avait un appel à la djihad lancé depuis le grand moufti de Constantinople, et que certaines tribus était agité dans le Maroc par l'idée de la djihad, déjà. Ah, c'est ce qu'il dit. Et donc, il était dans ce contexte, Henri. Est-ce qu'on a des cartes de lui, hein, de 1917, 19 même. Oui. Et lui, parce qu'il a continué, il est resté jusqu'en 19 là-bas. Hein. Oui. Et puis, alors, il y a eu une anecdote qu'il a, il a cassé la figure à son adjudant. À son adjudant, non oui. Non, mais... Oui, son officier, un peu avant qu'il ne soit blessé, il s'était déjà battu, il avait été dégradé, il était retombé caporal, Son officier lui avait promis qu'il partirait en Afrique avec les galons de sergent. Et il est parti avec les galons de sergent. Et il retrouve son adjudant là-bas, à l'autre fois. Il a compété les plans l'autre fois. Et puis là, il a été dégradé aussi. Et alors, on va. Il a été démobilisé avec les galons de caporal. Voilà. Et là, sur la photo, là, on voit avec les galons de caporal-chef. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, lui, en fait, il a reçu une pension en 1923, hein, c'est, reconnaissant une vaste cicatrice lombaire qui gêne les mouvements du tronc. Et on note aussi d'anciennes gelures aux pieds qui datent du linge. Hein. Ah oui, oui, il a eu des pieds gelés. Voilà. Il en a souffert tout le reste de sa vie. Hein. Et oui. Il reçoit en 1932 la médaille militaire. Voilà. Il avait les pieds qui écorchaient tout le temps. Alors, pour la fin de la guerre, à moins que vous ayez encore des choses sur 18, puisqu'il y a plein de choses qui sont passées, la deuxième bataille de Verdun, l'aide, Jean-Paul Serre qui meurt, lui, dans les dernières années, Charles Edmond Parmentier, qui est le chasseur qui est là-haut, qui lui va mourir le 30 septembre 18, dans la Marne, à Sompy. Donc c'était un chasseur, c'était le grand-père de Janine, qui était là tout à l'heure. Donc, tout ça nous amène à la fin de la guerre. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a encore plusieurs qui vont tourner un petit peu, qui vont encore rester dans les suites de la guerre. Justement, Henri, qui lui va rester encore au Maroc un bout de temps, plus longtemps que... Parce qu'il avait engagé. Là. Oui. Il avait fait un engagement. Oui. Oui, parce qu'effectivement, il est resté encore un bon bout de temps. Ouais. Et puis, également, Émile Parmentier, qui lui, Émile, c'est un de ceux qui. C'est le frère qui lui n'est pas mort, qui était dans les chasseurs aussi, je crois, et qui lui a tourné on le retrouve à Strasbourg à un moment donné, encore en 19. Hein, je cherche sa citation, c'est intéressant, si je la trouve. Ah ouais, il se trouve en Belgique d'abord en 19. L'État avait demandé, voilà, c'est en 19. Le 2 juin 19, Émile écrit à ses parents. Donc il était encore mobilisé. Surtout, ne leur donnez rien, c'était pour un. Parce qu'il y avait une demande. Ouais, tu veux en parler ? Hop, c'est les deux, c'est le micro. Je dirais pas en gros, je dois dire. Oui. C'était. Il fallait. Ils empruntaient de l'argent pour l'État. Et lui, à la guerre, il leur avait écrit : surtout, ne leur donnez rien, il faudra se faire tuer puis payer encore. Voilà. Alors il disait : ce qui me console, en le 2 janvier 19, c'est que dans quelques jours, je serai parmi vous. Mais en fait, on le retrouve encore le 29 juin 19. Il était encore en Belgique, puis à Strasbourg, puis il était le 29 juin 19, il tourne encore à Strasbourg, nous sommes cantonnés à 4 km de la gare de Strasbourg, nous avons défilé ce matin à 7h, j'espère qu'ils signeront, ou sans cela, changement de décor. Et donc, cette histoire, il est toujours, il rentrera que plus tard, je ne sais pas exactement quand, et comme Auguste Valdener d'ailleurs, qu'on va retrouver, Auguste Valdener, on va le trouver, dans son journal, il raconte qu'il est d'abord à Bruxelles. Oh, ben, je vais essayer de trouver ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Si je le retrouve. Ouais, Auguste, donc, il va se retrouver à Bruxelles en 19, en 18, fin 18. J'ai lu ça ce matin, ou hier. Il va donc, je ne trouverai peut-être pas, mais si, c'est là. Donc, le 23 novembre, nous quittons, donc c'est après l'armistice, hein, 18, nous quittons notre cantonnement et à Pétegem, je ne sais pas si on sait, et nous dirigeons vers l'Est. Nous passons à Ninove et défilons à Bruxelles le 26 novembre. Augustin. Hein. Et puis, après, il va encore le 4e artillerie à la Foragère aux couleurs de la Croix de Guerre, à partir du mois d'octobre 18 dans l'Isère. Nous arrivons à Liège le 5 décembre et nous défilons dans toutes les plus belles avenues de Liège, où la population massée sur les trottoirs, les pelouses aux fenêtres et sur les arbres nous fait des ovations sans précédent. De là, nous allons cantonner à Ouvray, où nous restons 4 jours. Oui, continue. Et puis, toujours à la grande fête, avec la Marseillaise, la Brabançonne, ils sont très bien accueillis là-bas. Et nous quittons Verviers, donc en Belgique, le 11 décembre, passant la frontière par la route Verviers-Eupen à 11h du matin. Entrer en Allemagne, changement de décor. Au lieu de voir tous les habitants, il faut saluer, nous saluer et nous fêter, et nous crier toujours « Vive la France, vive les Français, vive les poilus !» Et quoi encore, je ne peux pas tout me rappeler, mais ici, plus de drapeaux. La rue est déserte, c'est bon, c'est en Allemagne. Les portes sont fermées, les rideaux tirés aux fenêtres. Quelques enfants nous saluent dans la rue avec un gros « Bonjour, monsieur !» qu'ils ont appris par cœur à l'école. Quelques femmes plus curieuses nous regardent derrière les rideaux. Partout, c'est la crainte du vainqueur. Nous ne faisons de mal à personne et ne demandons que tout ce qui nous est nécessaire au cantonnement. Et quand nous sommes passés à Aix-la-Chapelle, une institutrice où nous avions logé dans son école pendant 4 jours est venue nous remercier à notre départ parce que nous ne leur avions point fait de mal, que nous étions gentils. Tout de même, le Bosch et sa culture des enfants pour la guerre étaient bien trompés, nous croyaient sans doute aussi sauvages qu'eux. Voilà. Et puis, il raconte qu'il va continuer en Allemagne. Je reste une quinzaine de jours encore à la batterie. Je couche dans un lit seul. C'est des gens qui sont très serviables pour moi. Puis, il finit par nous quittons l'Allemagne le 28 janvier 19. Nous embarquons à Grevenmühl et arrivons à Liège. Puis, à nouveau, Liège. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'il est rentré, Auguste, mais en 19, il continuait un petit peu à toujours être là. Et voilà. Vous pouvez craindre que les Français étaient des sauvages. Oui, oui. Là, c'est l'action psychologique. Hein, dans... Oui, oui. Voilà. Et puis donc, l'esprit de la guerre, bon, on en a parlé tout à l'heure de la mort de Charles Edmond dans les derniers mois de la guerre, la deuxième bataille de la Marne, à Sompy, et la même année que Jean-Paul Cher, effectivement, de Bustan aussi. Et on pourrait parler justement, comme épilogue, de lier d'ailleurs la médaille de la mère française, de Marie. On pourrait en parler un petit peu en 23. Ah, la médaille de la famille nombreuse. Oui. Oui. Bah, je ne sais pas ce que je veux dire. Bah, elle est affichée, quoi. Là, elle est là. Elle est là-bas. Oui. Oui, il y a eu 11 enfants. Oui. Et puis la pension pour Charles Edmond. Pour Charles Edmond, c'est en quelle année? En 1929. Oui, seulement en 29. La pension pour la mère. Oui. Et qu'il y en avait qui disaient qu'elle aurait bien aimé toucher une deuxième pension pour Émile, qui n'était pas mort. C'est un neveu qui disait ça. Ben voilà. Je suis disant que la mère voulait qu'ils meurent les deux pour toucher de l'argent. Voilà. C'est pas vrai. En tout cas, ça fait. On a fait un petit tour là, si je peux dire. S'il y a encore des choses, des anecdotes, on a fait. S'il y a des questions ou des choses complémentaires, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que c'était déjà intéressant de faire surgir des souvenirs nouveaux. Enfin, nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà publié. On en avait publié quelques-uns dans le journal de la Voye. Et là, je vais reprendre des éléments que je reprendrai, M. Delame, que je n'avais pas interviewé, M. Grozon, des éléments nouveaux que vous avez tous apportés, hein, qui n'ont pas été publiés, qu'on mettra dans le prochain journal de la Voye. Voilà. Et si donc il y a à nouveau des questions, je laisse la parole. Sinon, M. Delame, je voudrais vous remercier. Je vous remercie d'avoir mis, d'avoir fait cette exposition fait cette réunion qui a permis de voir un coup pour terre nos souvenirs, enfin le souvenir de nos parents et de nos grands-parents. Merci. Oui, bien, merci à vous parce que je crois qu'il y a quand même, vous êtes parmi les témoins indirects bien sûr, mais c'est des choses très précieuses qui n'ont pas été la plupart du temps écrites. Et qu'il fallait consigner, relever, enregistrer et mettre par écrit, voilà quel était le but de ce corps. La génération après nous, ça va s'estomper. Hein. Ben oui, c'est pour ça. On est parmi les derniers témoins, mais voilà. Même ma génération, la guerre d'Algérie, c'est du chinois. Oui. Ben voilà. Alors si vous avez d'autres questions, vous pouvez se dire, parce qu'on est à, vraiment à la quête de témoins comme ça. Voilà. Une petite réflexion que j'ai faite. Ça s'en fait bien une partie de... Oui, écoutez Henri. Ça ne fait plus partie de la guerre 14, même un petit peu quand, mais... Allez-y. Quand les soldats en 40, à la débarque, ils avaient abandonné leurs fusils un peu partout dans la forêt. Nous, on gardait les vaches. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Il y avait un tas de fusils, des cartouchières, parce que tout ça. On redescend à la maison avec chacun un fusil. Moi, j'avais 9 ans avec les deux par terre. Mais spécialement un fusil grain comme mon père avait déjà. Étant soldat, il avait alors, il se plaignait déjà en 14, que quand ils se trouvaient en face des Allemands, ils avaient déjà des fusils automatiques et ils avaient encore un fusil à un coup. Et quand il a eu les fusils de 40, eh ben, il a dit, eh ben, ils ont encore les fusils là, eh ben, le prochain coup qu'ils feront la guerre, ils viendront avec des arbalètes. Eh ben, autant qu'ils restent chez eux, alors. J'ai eu aussi un souvenir en 40, mes parents, ma mère était réfugiée à Saint-Malo, et on me dit, attention, les Allemands, en juin 40, j'ai eu les Allemands barbus, casque à poing, le poignard à la main, prêts à égorger les gosses. Et tout d'un coup, j'ai vu arriver des camions avec des gosses torse nu, bronzés, et qui chantaient « Aïe, aïe ». C'est ça les Allemands, c'est brut, c'est affreux, mais sur les copains, ils sont costauds. C'est pour moi, c'était une révolution. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Tiens, Janine, j'ai oublié parce que tu es partie à un moment donné, mais il faut, on n'a pas parlé du docteur Barros. Vous l'avez un peu connu, vous avez en tout cas son livre, Léon Barros. Son livre, oui. Je l'ai connu, ben, un peu. Oui. Mon père qui était souvent malade d'hiver. Non, parce que je voulais juste citer, il a fait des descriptions saisissantes de Verdun hein, dans son bouquin. Et il y a un passage, vraiment, il décrit, il a été au tunnel de Tavannes en particulier, et il décrit quelque chose en le 1er et 2 juillet 1916. Je vais vous en citer un passage, c'est justement, on a parlé d'anecdotes marrantes des fois, mais là c'est vraiment terrible. Monsieur Grosjean disait que, en fait, il citait des exemples où les gens passaient, la guerre leur passait dessus, mais là, lui, il écrit, il a dépassé plusieurs passages comme ça, je vous en dis un. Les autres sont affichés d'ailleurs. Il y a quelques passages là. Il y a quelques passages de Claude Barros. Je vous en cite un. Je suis un sillon en zigzag, à peine esquissé et qui fut un boyau, actuellement comblé par la terre, projeté par les éclatements d'obus. Je passe sur des cadavres, laissés là, déterrés par les projectiles aveugles. Ils sont morts de mouches et répandent une odeur fétide. L'œil est couché en chien de fusil, aux trois quarts enfoui dans la terre, et ne laissant voir que son dos et le sommet de son crâne boursouflé. Je pose par inadvertance mon pied sur cet horrible amas de chair putréfiée, et j'ai la sensation de m'enfoncer dans quelque chose de mou et de gluant. Je suis suffoqué et comme hébété par l'épouvante. Le vol de millions de mouches qui m'environnent m'accompagne comme un bourdonnement incessant, varié à l'infini. Une odeur nauséabonde de putricité me saisit à la gorge. Plus loin, je rencontre un bras qui sort de terre, à moitié décomposé et entouré d'un manche de capote tout déchiqueté. Nous sort une main squelettique, contractée comme une serre d'aigle et à la peau noirâtre. Voilà. Et enfin, après avoir erré dans ce dédale de choses sans nom, au milieu des débris humains et autres, après avoir foulé ce sol bouleversé et recouvert de toutes sortes d'objets, casques troués, baïonnettes rouillées, du fusil cassé, harnachements déchirés, sacs éventrés, boîtes de conserve et vivres décomposés, dispersés pêle-mêle un peu partout, j'arrive sans encombre jusqu'à proximité du poste de commandement du colonel. Voilà. Et du poste de secours. Voilà, il écrit des choses comme ça où il était docteur à Verdun et c'est des choses assez terribles. Vous pouvez trouver d'autres témoignages qui sont cités là. Voilà. C'est lequel ? Voilà. Ça, c'est le docteur Léon Barros, qui était un ami de Jean-Paul Cher d'ailleurs, qui était de Buisson, et qui a écrit un bouquin de témoignages sur Verdun, sur ce qu'il a vécu à Verdun, qui était l'enfer de Verdun véritablement. Il n'y a pas que la Verdun, la Somme, c'était pareil, hein. Partout d'ailleurs, ou le vieil Armand, ou le Lens, partout. Ça a été quand même une image quand même de la guerre qu'il a donné, lui, un témoignage direct d'un docteur. Voilà. Et quel était le nom de ce livre? Son livre, écoute... L'un de nos maisons, ça c'est Jean Potter. C'est un bouquin qui sur Verdun. Je te le dirai exactement. C'est pas le livre du docteur. Si, c'est Barros. Si, c'est dans son livre, vous l'avez. Si. Et il y a tout un témoignage comme ça. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et de votre collaboration et de vos apports. Et peut-être une autre mouture. Merci. C'est pas à moi, combattre à Verdun. Moi, merci. Moi, j'en ai deux. Mauffray. Je ne sais plus si c'est Louis Mauffray ou. Ah oui, la guerre de 14. Oui. C'est un gros, c'est bien. Mauffray, il a fait toute la guerre comme médecin sur les premières lignes. Ah, d'accord. C'était donc une émission particulière consacrée à l'écrivain Claude Vautrin en première partie. Cette diffusion se fait à l'occasion des publications dans l'Écho des Vosges d'un article en trois parties, Claude Vautrin, maître à penser, par Marie-Pascale Godet. Alors, ça s'est déroulé sur trois éditions, dont la deuxième a eu lieu hier et la troisième jeudi prochain. Et puis, nous avons entendu le cours rose de mémoire de 2016 qui donnera lieu à une forme veillée le 29 à l'occasion du centenaire du monument aux morts de Fraisse. Une veillée qui aura lieu à la salle de spectacle de Fraisse avec musique et extrait de cette série de témoignages par des lecteurs de recrée. Voilà, c'est à 20h30 et c'est accès libre, comme on dit, voilà. Et ça sera suivi d'ailleurs de discussions pour compléter les témoignages avec les témoins qui seront là et qui seront suscités de parler sur leur mémoire, sur leurs souvenirs. Voilà, bonne soirée, bon automne et soleil.